Jacques Tati, les vacances de Monsieur Hulot, bonjour à tous, bienvenue à Bulle de Rêve. Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation. Une émission ce mois-ci, cette semaine, enregistrée. Je ne pouvais pas être ici. Non, je vous vois venir, je ne suis pas du tout, bien sûr, au Festival de Cannes. Je suis dans le Nord, où il fait très beau, c'est très agréable, et donc pas du tout sur la croisette, même si trois films d'animation ont plutôt pas trop mal marché, visiblement, au moment où je vous parle, à savoir La Tortue Rouge, Ma Vie de Courgette, et bien sûr, La Jeune Fille sans Main, le très beau film de Sébastien Lodenbach. Les deux premiers films, hein, Michael Ludovic, Claude Barras et donc Sébastien Lodenbach, trois réalisateurs d'animation de courts-métrages reconnus et talentueux qui passent au long-métrage avec visiblement, moi je n'ai vu que le troisième, mais en tout cas pas mal de réussite pour les trois, donc ça c'est très bien, et puis un très bon, très bonne réception au Festival de Cannes. Donc ça m'intéresse, vous le savez, la réception du Festival de Cannes, mais évidemment elle est importante par rapport à un public un petit peu plus large qui, j'espère, grâce à ça, peut découvrir un autre style de cinéma d'animation. Donc voilà, c'est parfait. Et pourquoi une émission enregistrée? Ben, je vous l'ai déjà expliqué, c'est vrai que l'idée d'avoir des gens, d'accueillir des gens du monde de l'animation en studio, et évidemment, moi je préfère les avoir en direct, mais c'est pas facile forcément de pouvoir changer régulièrement d'inviter, on va dire. Et puis je vous l'avoue, hein, vous le savez, une grande partie des invités que vous avez et que j'invite, on va dire, à Bulle de Rêve, et tous d'ailleurs, sont des gens dont j'aime le travail. Donc bah voilà, c'est pas facile, hein, de trouver à chaque fois. Et l'idée, évidemment, de pouvoir depuis cette année, au gré des déplacements en festival, vous proposer des interviews enregistrées, est née notamment justement au mois de novembre, lorsqu'on a enregistré un sommet de l'animation, spécial sommet de l'animation de Montréal, parce que j'ai eu la chance d'être là-bas. Et pendant ces sommets de l'animation de Montréal, orchestrés de main de maître par Marco de Blois, j'ai pu rencontrer pas mal de gens, et notamment grâce à Nadine Vieux, en tout cas avec l'appui de Nadine Vieux, qui m'a vraiment préparé deux jours assez exceptionnels, j'ai pu me rendre à l'ONF. L'ONF, c'est au Canada et au Québec, c'est l'Office national du film, hein, c'est un peu différent de chez nous, et c'est une institution. Bon, pour ceux qui sont dans l'animation, vous connaissez la plupart l'ONF, sinon je vous rappelle, de toute façon je vais rappeler aussi, évidemment, pour ceux qui d'entre vous ne connaissent pas trop bien l'animation. L'ONF est né, en tout cas la partie animation, dans les années 40-50, sous l'impulsion notamment de McLaren, appelé par John Pearson, et ça a donné cette institution, réellement l'institution du cinéma d'animation, notamment en court-métrage, et qui a permis à des grands grands noms d'avoir la possibilité, puisqu'ils étaient salariés, hein, de la société, et ben ça leur permettait de, on va dire, travailler avec l'obligation, certes, de créer, hein, de produire, pardon, mais en pouvant prendre un peu plus son temps, et en ayant une véritable idée de laboratoire aussi. Donc évidemment McLaren, puis par la suite Ichou Patel, Driessen, Jacques Droit, enfin des grands noms, puis Michel Cournoyer, enfin bon, tout le wouzou du monde de l'animation québécois, canadien, est passé quasiment par l'ONF, une partie francophone, une partie anglophone, et on a vraiment des merveilles. Je sais que c'est pas une présentation très objective, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que fait l'ONF, parce que c'est ça qui est intéressant, et on va en parler. Il y a une vraie diversité dans la production, mais voilà, grâce à cette diversité, on peut réellement parler d'institution, puisque là on va au-delà, même si c'est des productions d'un producteur. La chance qu'on a en France d'avoir tous ces producteurs indépendants qui ont chacun, on va dire, une vision souvent très très précise du cinéma d'animation, bah là il y a quelque chose de un spectre assez large, on va dire, de ce qui peut se faire, le plus large possible, hein, de ce qui peut se faire en cinéma d'animation. Donc l'ONF, à travers la 3 interviews, j'en ai fait plein d'autres que je pourrais vous proposer sur The Web Anim ou sur Bulle de Rêve prochainement. J'ai décidé là d'en prendre 3. On commence par Julie Roy, productrice et responsable du département animation, et qui va nous parler un peu de comment elle travaille et des particularités de l'ONF. Ensuite Théodore Huchef, un extrait seulement de l'interview, et j'ai voulu passer l'interview complète de Patrick Bouchard, réalisateur passionnant et qui nous a donné notamment une classe de maître absolument exceptionnelle, vraiment pendant ces sommets de l'animation. Donc, et ben on va commencer directement avec Julie Roy et on se retrouve un tout petit peu plus tard. À tout à l'heure. Julie, bonjour. Bonjour Alexis. Merci beaucoup de me recevoir ici à l'ONF. Ma première question, c'est en sortant en fait de l'Université de Montréal, comment on s'intéresse à devenir productrice et comment on part dans ce. On fait des études cinématographiques et comment on part plutôt dans l'idée de la production? Moi, c'est un parcours complètement inversé parce que j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal alors que j'étais à l'ONF depuis à peu près une douzaine d'années. L'ONF a été un parcours, moi, dans mon. A été un accident dans mon parcours, puisque quand je suis rentrée à l'ONF, j'étais étudiante à l'Université du Québec pour être enseignante au primaire. Donc, c'est le père d'une amie qui était directeur ici qui m'a dit, on cherche des gens l'été pour faire des remplacements de travail de bureau. Et donc, ce que j'ai fait un été de temps et ce qui a complètement changé ma vie. En fait, je suis arrivée ici puis j'ai découvert le monde du cinéma que je connaissais absolument pas. Et puis, je suis tombée en amour, là, littéralement, avec l'ONF. Puis, je suis retournée à l'université à l'automne, terminé mon baccalauréat. Je suis devenue professeure. On m'a rappelée ensuite pour faire toujours des petits contrats, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Et je suis jamais repartie de l'ONF. Ça fait plus de 20 ans que je travaille ici. Et petite anecdote assez amusante. Peu de temps, donc, après que je sois revenue à l'ONF, on m'a offert un poste comme enseignante à la maternelle, donc dans mon champ d'études. J'ai dû faire un choix, à savoir qu'est-ce que je fais. Je suis à l'ONF tous les jours, je me lève le matin heureuse de pouvoir aller travailler, mais on m'offre un emploi permanent avec toute la sécurité que ça supposait. Et je suis allée voir mon conseiller en ressources humaines qui était à l'ONF et il m'a tiré au tarot. Figure-toi, il m'a tiré au tarot pour m'aider finalement à prendre ma décision, à me faire peser le pour et le contre d'une décision ou de l'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je mettais une croix de manière définitive sur l'enseignement. Puis j'ai décidé qu'advienne que pourra, que je ferais mon chemin à l'ONF. Donc à ce moment-là, j'étais commis en distribution. Et là, je suis tout retournée à l'université, toujours en travaillant en temps plein pour faire un certificat marketing. Je suis devenue agent de mise en marché. Je me suis occupée de la mise en marché des films pendant de nombreuses années. Et ensuite, toujours dans l'optique de vouloir accéder à la production, je suis allée à l'Université de Montréal pour faire une maîtrise. Mais j'avais déjà un sujet avant d'entrer à l'université. Je savais que je voulais étudier sur Michel Cournoyer. D'accord. C'était ma motivation pour aller faire une maîtrise et aussi pour me dire que si un jour un poste se libérait comme productrice, j'aurais des atouts à faire valoir, dont celui-là. Et effectivement, en 2007, l'opportunité s'est présentée. J'avais pas terminé ma maîtrise encore. Donc, j'ai toujours continué à faire mes études en parallèle de mon travail à temps plein à l'ONF, ce qui fait que, bien que ça soit un peu fou de penser que ça fait déjà plus de 20 ans que j'y suis, j'ai jamais fait la même chose plus de 4 ans. J'ai toujours eu des cycles en progressant. Donc, voilà, la production, c'est un accident de parcours, un bel accident, ce qui me concerne, puis je me verrai pas ailleurs, en fait. C'est drôle, ma deuxième question, normalement, c'était l'ONF a été une évidence, mais c'est même plus qu'une évidence, en fait. C'est un vrai changement de vie, un vrai Ah, complètement, parcours, donc c'est. un changement radical, mais c'est une histoire de cœur, c'est une histoire de passion, parce que vraiment, c'était un coup de foudre pour moi de découvrir l'ONF. Ouais, quand on rentre à l'ONF, on sent de suite, là c'est mes premiers pas dans les couloirs, on sent Oui. de suite le passé, l'histoire, même si les locaux peuvent changer, on est dans un autre, mais on sent de suite tous les gens qui sont passés, la production, ça tu l'as ressenti rapidement, l'importance de l'ONF, en tout cas dans la production et en tout cas de l'animation. Oui, je l'ai senti très tôt quand je suis arrivée. En fait, un des premiers postes que j'ai occupé, c'était de travailler avec les caméramans et les monteurs permanents. À cette époque-là, ces gens-là étaient des employés de l'ONF. Je mesurais comment dire, le fourmillement qu'il y avait de les voir partir en tournage, de les voir revenir. Oui, vraiment, je mesurais ça. Après, bon, on est dans la boîte, on se rend un peu moins compte. Quand j'ai commencé à la mise en marché et surtout en production et qu'on se met à voyager et qu'on a le regard des autres sur notre institution, C'est vrai qu'on mesure le privilège qu'on a de pouvoir y être, de pouvoir avoir cette liberté au niveau de la création, mais surtout, je dirais, puis tu vas le découvrir dans les 2 prochains jours, de côtoyer à tous les jours, d'être dans ce milieu artistique où les cinéastes sont là au quotidien. C'est mon environnement. Je passe dans le corridor, je vois Théodore Huchel, je vois Patrick Bouchard. On se côtoie, on est vraiment au cœur de la création avec ce bassin d'artistes qui sont ici en tout temps. Et ça c'est vraiment C'est extraordinaire. ça le plaisir d'être producteur. C'est ça l'un des premiers plaisirs, c'est de rencontrer tous ces gens-là. Ah, vraiment, Ouais. définitivement. C'est ce contact humain qu'on a, c'est cette proximité avec la création. Et quand on est en production, de la manière dont moi je produis, en tout cas, je pense que je réussis à créer des liens de proximité avec mes réalisateurs. Je me donne vraiment comme défi d'entrer dans leur tête pour vraiment saisir leurs intentions de création. Et ça donne des moments magiques. Quand je m'assois avec Michel Lemieux puis qu'elle me fait son premier pitch pour son projet, c'est incroyable de voir le bouillonnement, comment tout ça progresse dans sa tête. Même chose avec Patrick Bouchard, c'est tellement des processus différents et je les multiplie par projet, par réalisateur. Donc c'est d'une richesse inouïe. On peut pas se blaser de ça, là, absolument pas, là. Mais alors, on pourrait, pour pas de manière naïve, on pourrait se dire, le producteur, il est là aussi pour que les délais soient Oui. respectés. Comment on arrive à équilibrer ce plaisir de dire, oh là là, il faut quand même que j'ai Michel Lemieux qui va passer 4 ans pour faire un film, voire plus Théodore Huchel qui va peut-être m'en faire un en 2 mois. Oui. Comment on travaille ça? Comment on met ça en place? Ben, c'est vrai que c'est la particularité un peu bicéphale du rôle de producteur, c'est-à-dire qu'il y a une partie très rationnelle, on est des gestionnaires de projet dans un sens, effectivement, on gère des échéanciers, on gère des budgets, mais on a une partie de création, surtout qu'on a ce privilège à l'ONF où on est financé. Donc, c'est vrai que c'est un vrai luxe. Moi, j'ai pas à déposer des dossiers dans des commissions pour attendre des financements. En plus, je suis dans le rôle où je dirige le studio, donc c'est moi qui dirige l'enveloppe qui nous est allouée à chaque année. Pour revenir à ta question, je pense qu'il faut réussir à être à la fois proche du réalisateur, mais à maintenir une certaine distance pour être capable de maintenir un regard critique tout du long. Les cycles, ils sont longs en animation. C'est important de pouvoir de veiller à ce que les intentions de départ soient maintenues dans la durée. Quand on travaille 2 ans, parfois plus, sur un projet, c'est vrai qu'on peut, comme réalisateur, parfois s'y perdre. On a besoin de quelqu'un qui a la vue, je dirais la vue d'ensemble et qui est capable de ramener, de confronter, de critiquer, toujours de manière constructive. Mais c'est vrai qu'on est là pour être un miroir réfléchissant et mettre en garde les réalisateurs parfois contre eux-mêmes. Je remarque souvent que les réalisateurs, ils ont tendance parfois à retourner dans leur zone de confort, à vouloir refaire un peu ce qu'ils ont déjà fait. C'est important que nous, on ait cette distance pour les amener à aller plus loin, de se dépasser, de sortir justement de cette zone de confort. Donc, c'est toujours la balance entre créer cette proximité qui permet de bien accompagner parce qu'on réussit à bien comprendre les besoins, mais en même temps, d'être capable d'avoir un point de vue différent et de maintenir la fine distance, je dirais. Quand Julie Rouet regarde un dossier, qu'est-ce qui lui plaît le plus? C'est déjà de voir le nom, de dire, oh, Michel Cournoyer me propose un nouveau dossier, quel plaisir. C'est l'histoire, c'est un visuel, c'est. Qu'est-ce qui t'attrape en premier? Ouais, c'est toujours la question qu'on se fait poser. Comment vous choisissez vos projets? Bon, d'une part, on a une politique d'auteur à l'ONF, c'est vrai. Donc, on accompagne souvent des auteurs en les aidant à développer un corpus. C'est ce qu'on fait avec plusieurs de nos artistes. Patrick Bouchard en est un bon exemple. Donc, oui, c'est vrai que Patrick Bouchard vient me voir avec un nouveau projet. Je connais sa démarche. Je l'ai déjà produit. J'ai les yeux grand ouverts, les oreilles aussi. Et là, on entre dans une nouvelle aventure. Donc, pour quelqu'un que je connais, je sais comment l'accompagner. Pour un projet que je reçois d'une personne que je connais pas, ce que je recherche, c'est l'espèce de coup de cœur. On cherche des signatures ici. On cherche des auteurs d'abord et avant tout. Je dirais, probablement, on cherche des auteurs avant de chercher des projets. Parce qu'un projet, ça se travaille, ça s'écrit, ça se réécrit, ça se développe. Il n'y a pas un projet qui nous est soumis ici qui est prêt à mettre en production jamais. Donc, oui, on cherche une signature, une personnalité, qu'elle soit graphique, qu'elle soit au niveau du traitement ou de la forme ou du contenu. Une fois qu'on sent qu'il y a un côté unique chez quelqu'un, On trouve les moyens pour l'accompagner, pour combler les lacunes, pour l'entourer de gens qui vont le faire progresser. J'ai un nouveau projet avec un jeune illustrateur qui s'appelle Pascal Blanchet, qui n'est absolument pas connu de l'animation. On va faire son premier film. Il avait postulé sur notre concours Cinéaste recherché. Quand j'ai vu sa patte graphique, ça a été pour moi bouleversant. J'ai trouvé que c'était absolument incroyable. Mais cette personne n'avait jamais fait d'animation. Ben, on l'accueille, on va lui faire travailler avec des animateurs. Il veut apprendre. Il a ce désir, cette soif d'apprendre. Et on est là pour parfois accueillir des gens qui ne sont pas issus forcément de l'animation. Comme c'est le cas d'ailleurs avec Janice Nadeau qui a fait Nul poisson où aller. Elle venait du domaine de l'illustration, ce qui est d'ailleurs le cas de Michel Lemieux aussi, qui était très connu en illustration jusqu'alors. Donc voilà, c'est un mélange de personnalité qu'on recherche, de coup de cœur. Il y a un côté très intuitif hein, dans ça, parce que c'est vrai qu'on peut se tromper, mais il faut parfois prendre des risques. Puis on veut des gens qui essaient de faire des choses que les autres font pas, qui vont se distinguer. Il y a une grande diversité. C'est-à-dire que j'ai pris quatre noms. On peut, voilà, Michel Lemieux, Michel Cournoyer, Oui. Franck Dion, Théodore Huchef. Oui. On est dans des styles, mais vraiment complètement différents, voire même de créations différentes. Comment on fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des goûts très personnels et tu dis à chaque fois, tiens, ça c'est vraiment bien, ou on se dit des fois, ah, j'aime moins peut-être, mais ça, je peux pas ne pas le produire, ça c'est tellement fort, c'est tellement. Ben oui, ben effectivement, tu touches un point important, c'est-à-dire qu'entre nos goûts personnels versus une représentativité dans les genres, il faut faire cet équilibre-là. Moi, qui, comme disons à la direction du studio, j'ai vraiment ce souci dans la programmation entre deux producteurs. Il y a Marc Bertrand et moi, donc c'est aussi deux regards, deux visions, des intérêts parfois communs, parfois divergents. L'idée, c'est de faire une place à une panoplie de processus différents, donc des voix différentes, des voix graphiques, des voix narratives. Quand j'ai été nommée productrice, une des premières personnes que j'ai appelées, c'est Carl Lemieux, qui fait du cinéma expérimental. Ça faisait longtemps que le cinéma purement expérimental avait été produit dans les studios. C'est important pour moi de refaire une place à ce genre-là, qui est très niché en termes d'audience, c'est clair, mais qui est extrêmement intéressant d'un point de vue du processus bien que cette niche, elle existe, il y a des gens qui sont des fans du cinéma expérimental. Donc, depuis, Carl a refait un dernier film avec nous. Matthew Rankin, qui a gagné un prix avec Minarski dans le Off Limits Annecy, fait un film avec nous. C'est important qu'on ait des films qui s'adressent à différentes cibles en termes d'auditoire et à différents processus en termes de création. C'est vraiment un équilibre dans l'ensemble de la programmation du studio qu'il faut préserver. Il y a une question qui est vraiment bateau, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de poser, c'est il y a des artistes avec qui tu aimerais travailler. Il y a des artistes, je sais que Pryd Parn en était un. Ben, il y a la Coréenne Young Joomi qui a fait Love Games, entre autres, qui est une artiste que j'ai pu rencontrer en Corée dans un festival. J'ai pu assister à une de ses classes de maître. C'est pas une cinéaste qui voyage beaucoup, d'après ce que j'ai pu comprendre. Pour moi, c'est une artiste fascinante avec qui je voudrais travailler. Je lui ai manifesté. Je pense qu'elle aussi, elle a l'intérêt. Donc, il s'agit de trouver le bon projet, le bon moment pour elle et pour nous. Mais tu vois, dans son cas, ce qui me fascine, c'est la cohérence dans sa démarche. Elle a, d'un film à l'autre, des thèmes récurrents. Il y a une patte, une touche féminine dans son travail, une sensibilité qui lui est vraiment particulière. Peut-être que c'est mon côté fan de Michel Cournoyer qui revient dans ce cas-là. Elle travaille beaucoup le noir et blanc, des personnages qui graphiquement se ressemblent parfois d'un film à l'autre. Donc, il y a une espèce de cohérence dans le corpus que je trouve fascinante. Et ce que j'ai compris dans sa réalité de production en Corée, c'est lorsqu'ils sont financés, peu importe l'envergure du projet, ils sont tenus de s'en tenir, par exemple, à un an de calendrier de travail. Donc, ce qui est assez restreignant. Ce qui serait un avantage pour elle en travaillant avec nous, c'est peut-être de pouvoir défaire ce moule de production et lui permettre d'accéder à un projet peut-être d'une envergure un peu plus grande. L'idée de travailler en copro avec des artistes, c'est d'essayer de voir quelle est la plus-value de cette collaboration-là, de pas, si un artiste peut faire son film sans nous, ça vaut pas la peine. Il faut trouver quelle est notre place pour pouvoir amener, je dirais, un élément nouveau, différent, qui peut faire progresser l'artiste. Mais donc, cette artiste coréenne, pour moi, mais il y en a plusieurs, Virginia Mori, l'italienne, celle qui a fait Kiki Les Montparnasse, son nom Amélie est Haro. Amélie Haro aussi, c'est une artiste qui m'intéresse beaucoup. Bref, c'est pas les talents qui manquent et les volontés de collaboration non plus. Je vais passer à une autre question, parce que tu parles de tous ces noms. On reviendra sur ces noms-là. L'implication au niveau des femmes, évidemment, est Oui. importante. Les femmes dans Oui. l'animation, parce que là, les trois noms que tu as cités, c'est trois noms de femmes. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est pour ça que je change de question. Oui. Est-ce qu'ici, c'est l'une des grandes questions, il y a eu encore des statistiques qui ont été faites en France. L'un des grands débats, c'est quand même la paye, en fait. Parce qu'on dit beaucoup, la représentation des femmes, elles sont pas énormes, mais souvent, même si elles sont là, elles sont moins payées. Par exemple, est-ce qu'ici, à l'ONF, Michel Lemieux est payé la même chose qu'un homme, toi tu es payé la même chose qu'un homme, est-ce qu'il y a une parité au niveau déjà des salaires? Ah oui, écoute, dans une institution fédérale publique comme la nôtre, ça pourrait pas être autrement, là. Il y a absolument pas de différence dans les salaires que peuvent recevoir une femme réalisatrice qu'un homme réalisateur. Non, ça, je peux te l'assurer. Et c'est vrai, des personnes qui sont des employés comme moi et des contractuels comme le sont les réalisateurs. Donc oui, à cet égard-là, tout à fait. Est-ce que toi tu regardes quand tu reçois un nouveau projet qui t'intéresse, la représentation justement féminine, est-ce qu'il y a des choses où tu vas dire au réalisateur ou à la réalisatrice, ça me gêne un petit peu, il faut faire attention à ça. Est-ce que ça peut être une implication importante du rôle de productrice et Ben, le cas qui est apparu pour moi dans ma vie de productrice qui relève de ça, c'est le film de Prix de Parme. Parce que quand même, quand j'ai lu le scénario, c'était pas évident pour moi la manière dont la femme était représentée, femme objet, dans trois valises, poupée gonflable. D'une part, je me demandais si l'institution allait endosser un tel projet. Donc, pour te dire oui, dans un cas comme celui-là, c'est vrai que c'est une question qui m'a préoccupée. Ensuite, Prit et moi, on a longuement échangé à ce sujet-là. Il m'a fait valoir ses arguments. Il m'a développé un argumentaire aussi par écrit. Finalement, je trouvais que c'était intéressant son point de vue. L'idée, c'est d'être capable d'argumenter et de défendre une démarche. Ce que j'ai fait, ce qu'on a fait au niveau institutionnel, finalement, tout ça a été endossé. C'était assez audacieux quand même, un film. Érotique plutôt explicite. J'ai trouvé que l'ONF avait eu une certaine audace finalement d'endosser ce projet. Mais alors, pour répondre à ta question, ça se présente pas si souvent, mais c'est vrai que ça peut se présenter. Puis à ce moment-là, il s'agit de je veux m'assurer de bien comprendre les intentions du réalisateur et d'être capable de les endosser. Est-ce qu'il y a autant de réalisateurs hommes que femmes, réalisatrices, réalisateurs à l'ONF? Est-ce que On n'est pas dans une situation de parité. Par contre, il y a des cycles. Jusqu'à tout récemment, on était dans des ratios de plus de 40 % de films réalisés par des femmes. Bon, parfois, ça peut redescendre, mais c'est vrai qu'on doit toujours avoir une vigilance par rapport à ça. La bonne nouvelle, je te donne les statistiques de notre dernier concours Cinéaste recherché, qui vise à tous les 2 ans accueillir un cinéaste de la relève. Un ou une cinéaste de la relève. Pour la toute première fois depuis 1980, on a reçu plus de dossiers féminins. Donc, c'était en croissance. On voyait cette évolution dans les 10 dernières années, mais là, pour la première fois, ça basculait. Pour moi, ça révèle une tendance lourde, là, qui va se poursuivre, j'en suis certaine. Mais il reste qu'il faut maintenir et avoir cette vigilance-là. D'ailleurs, on est tenu, nous, on a des. C'est des informations qui sont importantes à l'échelle de notre institution comme organisme public, que ce soit envers aussi les minorités visibles, envers les personnes handicapées. Donc tout ça s'inscrit dans des mécanismes pour lesquels on doit avoir une veille particulièrement importante. Et puis pourtant, des idées reçues, il y a autant de talents. Parce qu'à Cannes, il y a quelques années, quand on disait qu'il n'y avait pas de film, le sélectionneur principal disait les femmes font des films peut-être moins bons que les hommes, c'est pour ça. Et quand on regarde finalement, en tout cas dans cette diversité, dans les talents, il y a autant de talents féminins. On le voit en tout cas dans les réalisatrices à l'ONF que de talents Ben oui. masculins. Ce n'est pas des faux quotas pour absolument Non, mettre. c'est pas des Voilà. faux quotas. Si on regarde dans les derniers Grands Prix d'Annecy, il y a eu plusieurs femmes. Qu'on pense à Regina Pessoa, Mikaela Pavlatova, et il y en a d'autres. Oui, d'ailleurs, j'ai fait une année des statistiques sur les sélections à Annecy qui défaisaient ma propre perception parce que j'étais persuadée qu'il y avait davantage de films sélectionnés en moyenne dans les compétitions, donc des films de femmes. Puisque il y avait eu plusieurs grands succès portés par des femmes dans les dernières années. Tori Cole aussi en est un excellent exemple. Wendy Telby, Amanda Forbes qui ont remporté la Palme d'Or à Cannes. Martine Chartrand, L'ours d'or à Berlin, les exemples sont multiples. Mais c'est vrai que quand je décortiquais les chiffres, je me rendais compte que, bon, au niveau des sélections, ça restait néanmoins plus faible comme représentation féminine. Mais moi, je suis assez optimiste et je pense que c'est une situation qui est en progression. Comme une personne m'a déjà dit, il faut parfois sacrifier des générations avant de voir de réels résultats. Donc pour moi, on est dans une courbe croissante et ça n'arrêtera pas. C'est quoi l'implication d'une productrice? Ça s'arrête où? Il y a des moments où tu dis, bon, ça j'aimerais le dire, mais je le dis pas selon le cinéaste, la cinéaste. Est-ce qu'il y a des choses selon les cinéastes où tu vas te permettre d'aller un petit peu plus loin? D'autres, c'est un vrai travail de psychologie, on va dire. Ah, complètement. Pour moi, je dis toujours, la relation producteur-réalisateur, c'est une aventure humaine d'abord et avant tout. Ça prend une relation de confiance basée sur le dialogue. Bon, je pense qu'il faut d'abord et avant tout, dans les prémices même d'un projet, être capable de bien saisir l'intention du réalisateur. À partir de là, on est capable d'intervenir au mieux. L'idée pour moi, c'est d'encadrer le plus possible. Encadrer, ça veut dire quoi? Dans certains cas, ça veut dire de proposer des collaborateurs, d'arriver à trouver les bons arrimages, parce que il n'y a pas, par exemple, à l'ONF, un monteur qui fait tous les montages d'images de tous les projets. Il faut trouver la bonne personne. C'est des collaborations, c'est sensible. Puis je pense que c'est un talent que de savoir monter les bonnes équipes. Moi, c'est une des parties que je préfère d'ailleurs dans mon travail de production, c'est d'arriver à trouver la bonne personne pour accompagner tel projet. Et même, il y a plusieurs réalisateurs qui retravaillent avec les mêmes équipes, mais parfois, mon rôle, c'est d'amener une nouvelle équipe parce que le projet demande une expertise différente. Donc, mon rôle, il est beaucoup là. Il est beaucoup de faire en sorte que le réalisateur puisse se dépasser. On peut parfois être intimidé dans nos ambitions de projet parce qu'il peut y avoir des obstacles techniques, financiers, de calendrier. Mon rôle, c'est de faire que tout peut être possible, de faire en sorte que le réalisateur puisse se rendre là où il veut aller, vraiment. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choses difficiles à dire. C'est vrai que parfois, il faut trouver le bon doigté, il faut avoir du tact. Il y a des moments pour dire les choses aussi. Il y a des zones qui sont plus fragiles. Les zones d'écriture, c'est je dirais que c'est des moments assez fragiles. Il y a beaucoup de doutes. Il faut accompagner. Il faut ouvrir les processus, qui est parfois heurtant. C'est parfois plus facile de garder les choses pour soi parce qu'on a peur des regards extérieurs. Mais je pense qu'il vaut mieux être confronté à ce regard-là, à ces réactions-là, en cours de processus, plutôt qu'arriver à la fin et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire différemment. La zone de production, c'est une zone parfois assez euphorisante parce que tout va bien, la plupart des décisions sont prises selon les processus de travail, bien entendu. Puis arrive la post-production où là, les collaborateurs arrivent alors que c'est un travail relativement solitaire pendant plusieurs mois. Soudainement, des collaborateurs arrivent, le processus est ouvert, un monteur image, un concepteur sonore, un musicien. Moi, je perçois souvent une forme de soulagement chez les réalisateurs rendus là parce qu'enfin, ils se sentent moins seuls, même si le producteur est là tout du long. Reste que ça fait du bien de savoir qu'il y a des parties qui sont prises en charge et qu'on se sent moins seul, je dirais, dans l'aventure. Mais jusqu'à la toute fin, il y a des zones de sensibilité, donc ça prend un doigté particulier. Il y a un langage différent quand on travaille avec Patrick Bouchard ou Marie-Josée Saint-Pierre, par exemple. Où Oui. je les connais pas bien, mais j'ai l'impression que c'est deux cinémas bien différents, par exemple. Ben oui, puis en ce moment, c'est intéressant puisque j'ai deux réalisateurs qui ont des projets de marionnettes avec des calendriers de travail similaires. Ils partagent un studio en deux, mais ils sont aux opposés. C'est deux processus complètement différents. J'ai Jean-François Lévesque qui travaille davantage dans un mode industriel où son film est très storyboardé. Il travaille avec une équipe assez importante. Tout est très élaboré. Il sait où il s'en va et c'est comme ça qu'il se sent à l'aise de travailler. De l'autre côté, j'ai Patrick Bouchard, pour lequel on a défendu un projet basé sur le processus de travail. On a un canevas de base, mais le film va se construire, l'écriture va se faire en réalisation. Donc, on est dans une démarche très intuitive, basée en partie sur l'improvisation, contrôlée, mais quand même. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment on va s'y rendre. Donc, j'ai deux réalisateurs qui ont des projets d'envergure, mais qui vont travailler vraiment différemment, qui ont des postures de réalisation complètement différentes. Et ça, je trouve que c'est passionnant d'avoir ça en même temps. Les projets, les prochains projets cinéma d'animation qui, alors, y en a plein, mais qui te, ça t'aimerais, voilà, qui, c'est toujours compliqué de dire à une productrice ce qui te motive le plus, parce qu'évidemment, non, ils motivent tous, mais je sais pas, s'il y en avait deux, trois qui devaient, sur lesquels tu devais parler, là, aujourd'hui, qui te... Ben, en fait, les deux projets de marionnettes dont je viens de parler sont à la fois stimulants et vertigineux parce que c'est des projets d'envergure et on a quand même un calendrier qui fait que ils vont devoir terminer à la fin 2017 puisqu'on l'ONF déménage et c'est clair qu'ils ne pourront pas déménager, donc le film doit se faire d'ici là. Le projet Michel Lemieux qu'on débute là, à peine aussi, pour moi, c'est un terreau d'expérimentation fabuleux. Il y a des choses que Michel veut essayer avec l'écran d'épingle, une facette, la facette qui est plus ou moins montrée en général, l'arrière de l'écran qui n'est jamais mise en scène, qu'elle veut exploiter, et plein d'autres choses qu'on ne dévoilera pas parce qu'on est vraiment en stade d'expérimentation. Mais ça, c'est extrêmement emballant. Mais il y a des jeunes réalisateurs avec qui je travaille, je te parlais de Pascal Blanchet aussi, de pouvoir accompagner quelqu'un dans une transition artistique, c'est un défi, ça demande beaucoup de présence, beaucoup d'accompagnement, mais en même temps, je suis assez, comment dire, assez, j'ai très très hâte de voir le résultat, puis je suis particulièrement fière dans ce projet puisqu'on a pu faire une prévente auprès d'Arte en France pour une première œuvre en animation quand même, je trouve que ça dénote justement qu'il y avait une singularité dans ce dossier qui a pu plaire, tu vois. Michel Cornoyer n'a pas de projet pour l'instant? Pas pour l'instant, en effet. Je crois qu'elle a des projets qu'elle va faire de manière plus indépendante. Je crois qu'elle va faire un projet avec le Centre d'artistes Prime. Peut-être qu'elle va venir nous voir. Nous, on offre un programme qui s'appelle l'ACIC, ACIC, l'Aide au cinéma indépendant canadien. C'est un programme qu'on offre où on donne accès aux services techniques de l'ONF. Et les réalisateurs n'ont à payer que 10% de la valeur de ces services. Donc, ils ont accès à nos salles de montage, à nos salles Pro Tools pour la conception sonore, le mix, l'enregistrement musical, le bruitage, etc. Donc, beaucoup de cinéastes comme Félix Dufour-Lapeyrière, par exemple, Marie-Josée Saint-Pierre, qui fait parfois des films en coproduction avec nous, mais parfois avec le support de ce programme de l'ACIC. Il y a plein d'autres questions, mais évidemment, le temps nous manque, ce qui est normal. C'est quoi les prochains défis de l'ONF en matière d'animation? Est-ce que l'idée d'aller plus vers des choses interactives, justement, là, Patrick Doyon a travaillé sur un projet, ça, c'est vraiment quelque chose de très motivant d'aller vers d'autres terrains que forcément celle du grand écran dans un Oui, cinéma? tout à fait, dans l'esprit de l'équilibre de notre programmation dont je te parlais plus tôt, il y a cette idée d'avoir un laboratoire de recherche et développement que l'on partagerait entre les deux studios d'animation, de pouvoir explorer la réalité virtuelle. C'est quelque chose, c'est un laboratoire en cours. Il y a quelques projets en ce moment qu'on développe dans cette direction-là. Ça pose des défis. Comment rejoindre notre auditoire avec les projets pour l'instant qui demeurent assez confidentiels au niveau de la diffusion? On peut les voir en festival, dans des marchés plus spécialisés. Mais comment atteindre le consommateur, je dirais le commun des mortels avec ces projets? C'est un défi que ça pose. Il y a l'interactivité qui est un domaine que l'on explore également. J'ai un projet avec Franck Dion, d'ailleurs, un projet d'application pour tablette, un projet interactif. Janet Berman en fait un aussi, une déclinaison de son film Monsieur Pog. Et c'est sûr que malgré le fait qu'on ait des moyens à l'ONF et qu'on a une dominante qui est vraiment liée au court-métrage unique, moi, j'explore la possibilité qu'on puisse, dans la mesure de nos moyens, explorer d'autres formes, comme la courte série à petit budget ou encore le long métrage à petit budget que l'on pourrait faire en coproduction canadienne d'abord, parce que je considère que l'ONF a peut-être un rôle à jouer comme levier pour que ces films en format long puissent exister un peu plus chez nous. C'est très difficile de financer le long métrage au Canada, il y en a beaucoup, beaucoup moins que chez vous en France. Pas forcément dans les méga budgets de plusieurs millions, mais on explore la possibilité d'offrir aux cinéastes la possibilité d'aller vers le long, mais dans des budgets de type cinéma indépendant. Donc, il y a toutes sortes de chantiers qu'on explore pour permettre l'expression de l'animation dans différents médiums, dans différents formats également. Ce dernier point est très intéressant parce que c'est un peu la problématique qu'on a en France, c'est le fait de produire des films aussi peut-être moins chers peu cher, on va dire, donc toucher moins de gens, en tout cas avoir besoin de toucher moins de spectateurs en salle. On a une crise en ce moment, enfin en tout cas il y a des problématiques sur les longs métrages qui viennent de sortir en salle qui marchent pas du tout malheureusement. Et c'est intéressant comme idée de mettre sa patte finalement dans le long métrage, peut-être un autre long métrage. Il y a des choses qui sont vraiment là bien en cours, en tout cas vraiment dans des tuyaux Ah, de réflexion, ouais. c'est une réflexion qui est amorcée depuis quelques mois, ça va prendre le temps que ça prend. Évidemment, on est tributaire de d'autres institutions canadiennes, donc il y a des démarches d'institution à institution à faire pour progresser à cet égard-là. Mais c'est une direction je crois qu'on devrait prendre, et enfin, je l'explore de manière très, très sérieuse. Ce qui changerait même si quelqu'un des images de synthèse qu'on peut voir, il y a quelques films d'images de synthèse qui sont sortis au Québec et au Canada et qui sont un peu dans le style sans prendre position, mais dans le style, en tout cas moi je prends position américaine, enfin des choses comme ça, ou un peu plus classique on va dire. Oui, oui, Et ça oui. serait intéressant avec tout En le réservoir, en contrepoids, effet, ben oui, tout à ben, tout fait, à ouais. fait. D'ailleurs, Félix Dufour-Lapeyrière fait un film, un long métrage actuellement qui est produit par Unité Centrale, un film 100% canadien, financé par le Fonds indépendant, donc à budget modeste. J'ai reçu d'autres propositions dans ce sens qui me révèlent qu'il y a une volonté des réalisateurs d'aller dans cette direction-là. Donc, il faut voir quel apport on peut, quel rôle on peut jouer. Deux dernières questions. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cinéastes recherchés? Oui. On est dans un. Il y a, moi, en tout cas, je ressens ça. Il y a une complexité au Canada. Il y a. Voilà, Montréal est l'une des places les plus importantes au niveau de l'animation. Et pourtant, on a l'impression que la jeune génération la connaît moins dans les écoles. C'est assez peu représenté dans les festivals. Est-ce que cinéastes recherchés, c'est ça aussi, un peu essayer de trouver cette nouvelle génération qu'on ne voit pas forcément? Oui, c'est ben absolument. Puis c'est un concours qui existe depuis 1980, qui est présent, affiché tous les 2 ans. C'est un concours qui a du succès, c'est pour ça qu'on le renouvelle encore. C'est un concours qui a permis à des gens de faire carrière par la suite en animation. Quand on pense à Michel Cournoyer, d'ailleurs, Nicolas Bro, par exemple, Jean-François Lévesque, Pierre-M. Trudeau. Bon, c'est des gens qui sont passés par cinéaste recherché. Donc oui, on offre un encadrement très professionnel. On traite ces films comme on les traite dans notre programmation régulière, mais ils ont effectivement accès à toute la chaîne qui suit, celle de la mise en marché, promotion, festival, relations de presse, ce qui est quand même assez intéressant pour une première œuvre. Parce que quand je dis nouvelle génération, c'est pas forcément au niveau de l'âge. On peut être un peu plus âgé et rentrer quand même Oui, tout à dans ce fait, parce que la concours. condition pour nous, c'est de faire pour la première fois un film dans des conditions professionnelles. Donc, Dominique Étienne Simard, par exemple, qui a fait le film Paula dans ce concours, avait derrière lui quand même plusieurs courts-métrages qu'il avait autoproduits. Donc, c'est quelqu'un qui était d'expérience. Et comme tu le dis si bien, c'est pas lié nécessairement à l'âge, mais plutôt aux conditions dans lesquelles les productions ont pu se faire précédemment. Mais tu vois, il y a eu une certaine époque, des gens comme Côte-de-Maine, Jacques Drouin, Pierre Hébert, qui ont appartenu à cette communauté de réalisateurs qui étaient des employés de l'ONF. Cette réalité-là n'existe plus. À présent, les réalisateurs sont des pigistes. Donc, quand cette génération-là a quitté l'ONF, ben, il y a des nouvelles personnes qui ont pris la relève. On va dire, on parle de Patrick Bouchard, on parle de Michel Lemieux, on parle de Théodore Huchève. Et là, il y a une nouvelle génération, je dirais, qui vient derrière eux. On parle de Patrick Doyon, Janice Nadeau, Marie-Josée Saint-Pierre, par exemple, et plusieurs personnes, effectivement, qui passent, ou pas toujours, mais par notre concours cinéaste recherché. Dernière question, c'est la crise un peu partout, on le sait bien. Est-ce que l'ONF il y a un changement là récemment de gouvernement ici. Est-ce que l'ONF va garder cette aura un peu mythique, en tout cas, qu'elle a, donc de pouvoir payer soi-même des films. Ça, c'est quelque On chose est qui est. très Ouais. optimiste. Ouais. L'ONF va déménager dans le cœur culturel de Montréal, le quartier des spectacles, donc en plein centre-ville, à la fin 2017, ce qui est quand même un message assez fort envoyé par rapport à la pérennité qu'on entrevoit pour cette institution. L'avenir est très prometteur. Oui, je pense que les succès qu'on a sont garants de l'avenir, que ce soit dans le domaine de l'interactivité où on est actuellement un chef de file, on est des précurseurs dans ce secteur, ou en documentaire où l'ONF a une longue, longue tradition, et en animation où on réussit toujours à se démarquer sur l'échiquier mondial. Je pense que l'avenir est plutôt prometteur encore pour nous. You'll hate to go. À l'instant, vous venez d'entendre Stina Nordenstam. Stina Nordenstam est tirée de son album And She Closed Her Eyes. Le morceau, c'était Little Star. Voix superbe et trop rare, dont on attend avec, en tout cas moi, avec impatience, un nouvel album. C'est bien sûr Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation sur Radio Libertaire, nulle part ailleurs. Vous écoutez cette semaine une émission spéciale ONF et une émission qui est enregistrée. On a entendu Julie Roy nous parler de son travail de productrice. On va entendre maintenant un court extrait d'une interview qui fait 45 minutes, un peu plus, de Théodore Huchef, réalisateur de plein de films, dont Les Journaux de l'Ipset, Gloria Victoria, et qui nous parle un peu de son travail donc dans cette émission spéciale ONF. À tout à l'heure. Comment tu travailles sur les rythmes? Ouais, sur les rythmes selon les films. Comment je travaille sur les rythmes? C'est pas mal intuitif ce que je fais, mais parfois, tu sais, au début c'est pas mal arithmétique. Donc j'essaie déjà de 7 minutes, ça se passe ça, et après ça le rythme va augmenter, après ça il va descendre, et c'est tellement estimé. Mais après ça je me laisse dedans. Donc la construction c'est au début. Donc, la construction des films, c'est comme une architecture. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec une musique qui est déjà pré-enregistrée. Parce que, tu sais, la musique a la meilleure construction. C'est déjà un bâtiment de qui tu ne peux pas te tromper. Même si c'est une musique abstraite ou moderne, Tandis que phonique, elle est toujours à cette construction-là. Et ça m'aide beaucoup pour faire les constructions autour de mon film. Et si tu veux, même dans Vaisha, j'ai mis des certains moments avec la musique et je faisais ma animation après cette musique-là. Après ça, j'ai enlevé la musique et le rythme est encore là. D'accord, C'est t'as un pour ça. rythme préexistant, en fait, t'as une musique qui Absolument. Et t'accompagne. même si tu t'enlèves après ça, ton rythme est déjà là. Et ça, c'est très important pour moi parce que pour moi, l'animation, c'est timing, timing, timing et rien d'autre. Tu sais, moi, je suis pas un grand adepte d'histoire, de littérature dans l'animation. Pour moi, la littérature fait enlever d'animation, il fait un petit peu, il a fait tuer. Quand tu as une histoire, même avec Vaisha, mon défi, dès que du début, était OK. Maintenant, j'ai cette histoire qui est linéaire, qui... En fait, il n'y a pas trop d'histoire, mais je vais te parler plus de ça après ça. Donc, j'ai cette histoire qui me donne une base compréhensive du film. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que j'échappe de cette histoire, pour que j'ajoute cette détail petit de qui a parlé à Bresson, quand, vous savez, son leçon de cinéma. Tu sais, s'il y a un crime et quelqu'un a volé d'argent, si vous filmez ça, ça va rester littérature. Mais dans ce moment-là, si vous mettez quelque chose, une main qui passe vers l'eau, ça va ajouter quelque chose d'autre, poétique, qui va sortir l'histoire de votre crime. Et ça, c'est ça qui fait le cinéma. Donc, avec le Vaisha, j'ai commencé de chercher ces petits éléments qui vont m'ajouter aux histoires. C'est comme ça que c'est arrivé l'idée avec le papillon. La naissance des papillons, c'est comme ça que c'est arrivé le moment avec les guérisseuses qui dansent autour, etc., etc. C'est comme ça que c'est arrivé la fin d'histoire aussi. Donc, je cherchais toujours comment je peux échapper de mon histoire. Et je pense que ça, c'est un des plus importants aspects du film. Parce qu'en fait, l'histoire n'est pas très riche. On peut dire que dans une synopsis qu'on lit, on sait qu'est-ce qui va se passer dans le film. Mais tout ce qui s'ajoute, c'est sur le côté psychologique. Donc, on fait des loops autour de cette synopsis et on les fait développer pour se sentir sur la place de cette fille-là. Est-ce que c'est une malheur? Est-ce que c'est une maladie? On ne sait pas, mais on essaye d'ajouter de plus et de plus et de plus de dentelles. C'est comme de faire Des crochets, des des points, points, crochets points, ouais. autour pour augmenter, pour devenir, pour avoir une ampleur psychologique autour. C'est drôle parce C'est le que. psychologique qui était le plus important pour moi dans le film. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu parles, il y a des rythmes. Gloria Victoria, un rythme très précis, enfin vraiment, on avance, plus il y a cette. Et là, on est dans. Il y a plein de choses, on a l'impression qu'on se. On change de ton dans le film. En effet, le moment des guérisseuses, par exemple, avec la musique Oui. de Kodarski, Oui. tu utilises d'un seul coup, on est dans un univers, alors que dans d'autres univers, tu utilises. Oh, ça serait intéressant que tu nous en parles d'Herb Purcell, De parcelle, oui. qui en plus très. Oui. D'autres réalisateurs, compris Purcell, on connaît déjà, etc. Il y a comme des conflits à l'intérieur de l'histoire. Oui, le conflit de musique aussi. Ben, tu sais, le film commence avec une naissance. Et c'est quoi le plus logique pour accompagner une scène de naissance? C'est une musique de funérailles. C'est parce que, comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est la quatrième dimension. Parce que il n'y a rien que la naissance et la mort. Entre les deux, il n'y a rien. C'est ça la vie. En fait, rien d'autre. Et donc c'était ça le jeu aussi avec le ton, c'était finalement montrer ce chaos quand même qu'il y a entre ces deux, Oui. entre la naissance Et la mort. et la mort. C'est drôle parce que quelqu'un d'autre ici, on en parlait, c'est Patrick Bouchard, et qui disait avec son nouveau projet qu'il amène dans quelque chose, disait que justement ce jeu avec le temps, plus il avançait dans son cinéma, plus il avançait sur cette idée du temps. Et Michel Lemieux en parlait aussi en disant quelle est notre place dans l'univers, etc. Et je demandais, avec Bouchard, justement, vous discutez entre vous, il y a des liens comme ça qui se font, même si vos cinémas sont complètement opposés. Il y a des choses comme ça, toi tu discutes, tu as envie. Lui, il ne me disait pas tant que ça finalement. Bon, ben bien, on est ici, on se parle, c'est évident que peut-être dans un autre community, peut-être on fait partager la même vision sur le monde. Ou est-ce que c'est un questionnement aussi du moment? Peut-être. J'imagine que oui. Ouais. Oui, on ne peut pas échapper du moment. Mais même si on est dans la quatrième dimension du temps, on ne peut pas échapper le moment précis, le présent. En fait, c'est ça le but, tu sais. C'est comme, tu sais, ce qui est intéressant, mais c'est une plus large question. Dans le moment, parce que moi, j'admets, ça fait longtemps, je me disais, la vie, il a aucun sens. Tu sais. Et dans le moment, quand tu dis que la vie, il a aucun sens, mais tu décides que tu vas pas te suicider, que tu vas continuer de vivre, dans ce moment-là, il n'y a pas de limite de ce que tu peux faire dans ta vie. Parce que pour toi, tout est permis. Et tu essayes d'extracter et de prendre l'essence, de prendre les trucs de la vie qui sont à côté, mais qui sont plus importants de la vie. De vivre tellement. Tu sais, la vie a aucune importance pour toi telle quelle, mais tu essayes de la vivre et de la vivre dans la meilleure façon. Et c'est là où il vient l'art plus puissant. Donc toi, tu es à l'inverse de Baïcha. Oui, Toi, absolument. Oui, tu as une vision qui est du moment. absolument. C'est pour ça que j'ai fait le film. C'est ça la morale d'histoire. Quand les gens me disent c'est quoi la morale d'histoire, je dis arrêtez de regarder le passé, d'être sentimental, d'être nostalgique. Arrêtez d'avoir peur de le futur. Arrêtez d'être paranoïaque de qu'est-ce qui va se passer, qui s'est passé. Vivez maintenant, parce que c'est le moment qui compte. C'est maintenant. Et on doit faire notre meilleur pour continuer et de faire ce monde une meilleure place. Je pense que la fin n'était pas dans la nouvelle, en fait, n'était pas dans le récit Oui. des débuts. Oui. La fin, c'est toi qui l'as Oui. rajoutée. C'est à la fois un plaisir et une angoisse de se dire comment mon film va être pris, comment les gens le regardent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te questionne? Ben, écoute, moi je sais que mes films vont pas survivre le temps. Tu sais, je sais que dans le moment quand je suis mort, tout le monde va oublier. Ou, tu sais, tout est éphémère. Est-ce que ce monde va exister? Et on se pense, tu sais, que notre œuvre va exister pendant toujours. Dans l'histoire de l'art, ils vont rester, mais ça va jamais passer parce que le monde va pas exister, tu sais, il va avoir une apocalypse, tout va être disparaître. Donc, on crée notre œuvre pour le moment. Tu sais, je fais un film qui passe pendant 1, 2 ans. S'il reste après ces 3 ans, tant mieux, mais on ne peut pas compter que ça va continuer trop longtemps. Donc, l'art, c'est éphémère. Et ça, c'est une des leçons qui notre temps nous donne. Tu sais. Il y a plus de plus des œuvres qui sont éphémères, qui se créent pour un espace précis, pour une lieu précis, pendant un certain temps. Si on se met sur l'art moderne, je peux citer les œuvres de Christo Yavachev. Mon compatriote qui fait que des arts éphémères qui existent pendant 2 semaines, après ça tout disparaître et tout ce qui reste c'est des affiches et des dessins et des croquis. L'art, le cinéma d'animation est aussi éphémère. on le fait pour faire plaisir ou pour faire les gens pour chercher l'interaction avec les gens, pour parler, pour transférer notre message. Mais après ça, c'est fini, quoi. Pourtant, les jeux de Deep Set jouent par exemple encore aujourd'hui. Ben, j'imagine que tous mes films jouent aujourd'hui, mais tu sais, le journal de l'épisode, ça fait seulement 5 ans qu'il est sorti, donc ça se peut qu'il continue à quelques ans de plus. Mais j'ai aucune notation que mes films vont jouer toujours, et ils vont rester. Est-ce que toi, quand tu fais un film, et là on parlait de Lip 7, on parlait d'autres films, est-ce que comme tu dis, ça doit refléter donc le moment, ce que tu ressens à un moment donné? Peut-être tu peux revoir Lip 7 en disant ah, ça m'intéresse, mais ça c'est plus mon questionnement aujourd'hui. Oui, écoute, ça m'intéresse toujours. Lipset a attrapé ma vie dans cette époque-là. C'est pour ça que j'ai fait ce film-là. C'était mon réflexion autour. Si je ferais ce film-là maintenant, ça me doute. Je pense pas. Et c'est pour ça, quand j'ai une idée, j'essaye de le faire plus vite possible, parce que sinon, il va y avoir quelque chose d'autre qui va tomber, qui va m'intéresser. C'est ça, je trouve que ça, c'est pour ça que j'ai fait si trop de films, tu sais, parce que si quelque chose m'intéresse, il faut que je mette mon commentaire. Et la seule façon que je peux faire un message ou un commentaire, c'est de faire des films. C'est pour ça que on a l'impression des fois qu'il n'y a pas forcément, tu sais, il y a plein de gens qui continuent dans la même Oui. direction, Oui. comme si, et là on peut avoir aussi bien, encore une fois, Manifeste de sang, qui est donné comme ça, de manière très rapide, on va dire, avec d'autres films, ouais, c'est vraiment. C'était une manifeste, rien d'autre. Tout ce que je disais, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ces films-là, qui l'aiment pas, mais le film trouvait sa public, même si la distribution est tellement guérilla, parce que le film n'était jamais distribué, mais très peu de gens qui sont vus sont allés le chercher, ils le sortir. Donc, le film a gagné un prix au Festival du Nouveau Cinéma, qui est le plus important festival du cinéma à Montréal. Et puis, après ça, il y a beaucoup de monde qui demande le film et il veut le montrer. Il a été sélectionné dans beaucoup de festivals importants, dans lesquels aucun de mes autres films ont été rendus. Donc, c'est voir, tu sais jamais. Mais tu sais, même ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai fait un film, je pense jamais. Quelle sorte de festival? Parfois, je me dis, ok, ça c'est pour tel et tel public, mais je me restreins jamais. Par exemple, quand je pensais de Vaisha, c'est une conte. On peut dire que je peux faire un film pour les enfants, mais c'est pas un film infantile. C'est un film pour tout le monde. Et je ne m'ai pas arrêté d'ajouter quelques scènes qui pourraient empêcher des films d'être sélectionnés dans un film pour les enfants. Je ne m'ai pas empêché de mettre cette scène-là dans le film pour chercher ce public-là. Donc, c'est vraiment une question de choix, quoi. De ne pas penser dans le public cible. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a le public cible et beaucoup de jeunes étudiants ou étudiantes qui sortent de l'école pensent à leur style. Et même si tu as quelque part un style, il y a des choses qui sont, encore une fois, on regarde Sonambulo par rapport à Gloria Victoria ou au Journal de Deep Set, hein, etc., etc. En fait, on ressent une énergie, peut-être une force, mais pas forcément un style absolument graphique que tu voudrais faire perdurer, quoi. Ben, mon style, c'est mon énergie. Rien d'autre. Écoute. Moi, je peux pas dessiner la même peinture et le même film toute ma vie. Tu sais, parce que quand tu as un message, toi, ton voix qui te choisit que ton message soit accepté. Par exemple, la façon que je te parle avec toi, c'est complètement différent que la façon que je parle avec ma fille, ou avec ma amoureuse, ou etc., etc. Et ça, c'est normal, parce que les choses que je te dis sont différentes. Et les trucs que je peux te dire, que je veux te dire, sont différents. Donc, tu peux pas utiliser le même timbre, la même voix, la même façon. Et ça, c'est la question des styles. Comment je peux utiliser le même style si si mon message est différent toujours, et si je veux dire des choses différentes, parfois je veux vous embêter, je veux vous mettre sauter, d'être actif et se battre pour obtenir un meilleur monde, mais après ça, je veux vous faire danser. Donc, c'est dépend de ça que j'ai choisi mon style. La question de style, c'est toujours secondaire pour moi. Toujours la dernière question, c'est le style. C'est les enjeux. Par exemple, le prochain film, il y a des enjeux. On se dit, ah, tiens, j'ai envie de parler de ça. Que ça soit technique, l'histoire, le message. Il y a d'un C'est seul coup, toujours ça. il faut qu'il y ait un plaisir. Oui, Ouais. un grand plaisir. Et pour mon prochain film, je pense qu'après 13 ans dans l'animation, j'ai trouvé un style pour qui je suis tellement attaché. C'est comme il est sorti de moi. Et c'est pour ça que je dis, ok, il faut que je fasse un seul film dans cette technique-là, et l'abandonner. Tu sais, c'est comme, parce que c'est ça mon technique. Mais je pensais de tous quand je faisais le film sur le vinyle, c'était aussi, je trouvais quelque chose, mais après ça, je veux pas faire un deuxième film dans la même technique-là. Et puis, ce film que j'ai fait qui s'appelle La physique de la tristesse, qui sera vraiment plus long parce que ça va être 25 minutes, qui est autour inspiré de la même écrivaine, Georgi Gospodinov, sur qui j'ai volé l'histoire de Vaïcha. Et j'utilise ce mot volé parce que lui, il adore aussi de l'utiliser. Ils disent toujours quoi, une écrivain, c'est une voleur d'histoire. Et moi, j'ai volé sa livre, Physique de la tristesse, pour rencontrer ma vie. Tout ce que j'ai vécu moi autour de cette livre-là. Donc, j'utilise la construction, quelques phrases, les symboliques des livres pour rencontrer ma histoire, qui est une façon complètement, complètement différente. Ça se peut avoir un lien avec le film de Lipset, parce que ça, on a aussi fait quelque chose proche, mais beaucoup plus direct et beaucoup plus personnel. Et le film parle du fin du monde, etc., etc., etc., parce que c'est quoi une apocalypse? Pour moi, une apocalypse, ce n'est qu'une affaire personnelle, rien d'autre. Et pour ce film-là, j'ai décidé d'utiliser vous savez, le premier portrait dans l'histoire d'art, qui faisait 3 siècles avant la nouvelle ère, avant le Jésus, c'était l'encaustique, l'égyptienne, le premier portrait qui existe maintenant, réalistique, sont été faits par les Égyptiennes, qui sont les filles sur le sarcophage. Et la technique était encaustique. Et ces portraits-là sont survécus parce que c'est une technique qui est extrêmement durable, qui reste. Et c'est fait avec du cire, du cire d'abeille, avec qui tu fais mélanger ton pigment. Et c'est fait dans une façon tellement éphémère. Tu as seulement un moment très court dans lequel tu peux dessiner avec cette peinture-là. Parce qu'après ça, ça fait sécher. Et cette technique éphémère mais dure à contrôler, ça me donne un outil parfait pour faire d'animation. Donc j'ai trouvé une façon pour que je puisse trouver avec cette technique mon animation. Et je suis absolument excité, je vais te montrer après ça. Parce que c'était fait jamais. Et puis, en fait, c'est la plus ancienne technique de peinture. Est-ce comme de trouver notre racine. En fait, comment je vais t'expliquer aussi comment je trouvais cette technique-là. Quand je passais pour ce film-là, pour le faire, je suis allé, parce qu'il a certaines scènes avec mon père, et je l'ai filmé, j'ai regardé ces anciens livres de technologie, et je l'ai trouvé dans une de ces vieux livres technologiques. Et là, j'ai compris comment je peux faire mes films parce que l'acoustique. Maintenant, il y a quelques artistes qui l'utilisent, notamment Jasper Johns, qu'il utilisait quand il les faisait. Mais c'est pas mal hors des montes. Et puis, j'ai trouvé cette technique-là. J'ai jamais travaillé dans cette technique-là. J'ai essayé et ça m'a fait comme. J'ai sauté dans l'air. Tu sais, c'était comme une pure découverte. Et ces livres-là étaient toujours, depuis mon enfance, à côté de moi. J'ai jamais lu comment faire l'acoustique. J'ai lu comment faire de l'huile, des gouaches, des tempéras, etc., etc. Mais jamais, cet chapitre des livres, j'ai jamais même pas fait ouvrir. C'était la seule fois que j'ouvre ça et c'était comme une coïncidence que j'ai pensé pour ce film. Et je dis, ben c'est ça, je dois essayer de faire l'animation comme ça. Et en découvrir cette technique-là, je commence et je vois que c'est la technique plus associée avec l'animation, avec la notion de tempo, avec la notion de mouvement, avec la notion d'éphémère et durabilité. Donc ça va être à la fois un questionnement sur le médium animation Aussi. et un questionnement sur ta vie, sur... Aussi, aussi, C'est pour aussi. ça qu'il y a besoin de Oui. 25 minutes. Oui, absolument. Ouais, ça va Je être... peux pas le, je peux pas le dire en 15 minutes ou quelque chose comme ça. Donc je sais que ça va empêcher le film d'être montré dans beaucoup de festivals, mais ça ne m'intéresse pas. Ça va être mon film. I never traveled further north than old Van Cortlandt Park, and never further south than the aquarium. I've seen the charm of Jersey City, but first let me remark, I saw it from the Empire State Solarium. But we've been putting nickels in the postal savings bank, and when those nickels pile up, we can toddle off and swank. And I don't mean an ordinary cook's tour. I mean a Cavendish looks tour. Someday we'll go places, new lands and new faces, the day we quit punching the clock. The future looks pleasant, but at present, let's take a walk around the block. You're just the companion I want at Grand Canyon for throwing old blades down the rock. The money we have will go for travel. Meantime, let's walk around the block. Gangway, we'll begin when our ship comes in. Sit on your lap, all over the map. To London in May time, to Venice in play time, to Paris in time for a frock. To Boston in bean time, darling, meantime, let's take a walk around the block. We'll visit the Isthmus and see how they lock up a lock. And then in Caracas, on a jackass, we'll take a ride around the block. We'll keep to our promise to visit St. Thomas, and then at Jamaica we'll dock. The prospect is thrilling, still I'm willing just now to talk around the block. Onward to Cathay, then to Mandalay, boom on to Bangkok, traps. Vladivostok, we'll send the folks cables, accumulate labels, buy souvenirs till we're in hock. But since we are flat in old Manhattan, let's take a walk around the Bulle de rêve, l'émission 100% cinéma d'animation, émission enregistrée cette semaine, une émission spéciale ONF, Office national du film du Canada, avec donc Théodore Huchef à l'instant. Petit extrait d'une interview donc un petit peu plus longue qu'on passera, je passerai sur The Web Anime, peut-être sur Bulle de rêve un peu plus tard, on verra, mais voilà, qui nous parlait de son travail. Et vous avez pu entendre juste après la superbe voix d'Ella Fitzgerald, Let's Take a Walk Around the Block, parce que évidemment c'est toujours bien de se balader à travers le monde, et si on ne se balade pas à travers le monde, au moins de s'imaginer comme ça, découvrir d'autres cultures. Théodore Huchef d'ailleurs, réalisateur canadien quasiment aujourd'hui, on peut le dire, international, hein. Il est né en Bulgarie, il a failli faire Vaisha, donc on a les films en France, enfin voilà, donc réalisateur international. On va poursuivre avec celui qui pour moi a été l'une des grandes découvertes de ce passage à Montréal, avec les sommets de l'animation de Montréal et une classe de maître, je vous le disais, absolument exceptionnelle, qui a duré toute une journée, où il nous a parlé vraiment du début jusqu'à la fin de son parcours, et c'était assez, assez fascinant. Hein. Patrick Bouchard qui s'est révélé, même si dans l'interview il dit qu'il a eu du mal à un moment donné à communiquer sur son travail, et qui s'est révélé absolument un personnage passionnant pour parler de son travail. Je vous conseille vraiment de l'inviter si vous avez besoin de quelqu'un de très communicatif finalement, et de qui parle bien de son travail. Ben, je vous conseille vraiment Patrick Bouchard. Et là, on va parler un petit peu de son travail et de son de ses thématiques, qui je trouve s'affinent de plus en plus au fil des films. On écoute Patrick Bouchard, et donc on revient tout à l'heure dans ce spécial ONF. À tout à l'heure. Comment on garde cette énergie sur 3 ans, par exemple, de tournage? Ok, le sujet, l'intérêt, mais comment on fait tous les matins, se dire, allez, là, c'est bon? C'est en dents de scie, hein. Il y a des hauts et des bas, évidemment. C'est pas toujours... Moi, je me lève pas toujours le matin en me disant, youpi, je m'en vais animer mon film, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Puis, bon, c'est certain que, en réalité, pour moi, là, je vais parler vraiment, là, pour ma part, j'ai besoin, moi, d'être appuyé. J'ai besoin d'avoir une bonne productrice ou un bon producteur qui, lorsque ça va pas bien, qui vienne me donner une tape dans le dos, puis qui vienne aussi regarder, puis me donner des commentaires. Puis on a besoin de ça à un moment donné, parce que sur 3 ans, par exemple, si on dit 3 ans, on va dire peut-être plus comme 1 an et demi de travail, là, par exemple. Enfin, 1 an et demi de production, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des moments de découragement parce que, enfin... Comme je dis, je parle pour moi, là. Moi, je le vis comme ça. J'ai des moments de découragement. Parce que c'est trop dur à supporter par moment. Puis de se dire aussi, ben, qu'est-ce que je fous là pour 1 an et demi à faire ça? Mais qu'est-ce que je fais là? À un moment donné, ça perd son sens. Ça devient à un moment donné que ça n'a plus de sens. De faire un court-métrage de 8 minutes, prendre 1 an et demi pour le faire. On a besoin d'un regard extérieur qui vienne nous remettre finalement sur le remettre les choses en perspective. Pour ma part, c'est d'avoir une bonne relation, des bonnes relations autour de moi qui viennent me remettre en perspective, qui viennent me dire « Oui, Pat, ça va bien » ou « Non, peut-être que ça, tu vois, tu pourrais aller peut-être dans cette direction-là. » Et j'ai assez d'ouverture, aujourd'hui, j'ai assez d'ouverture pour prendre à peu près tous les commentaires. Ouais, il y a des moments donné où c'est quand même plus simple d'entendre un commentaire, on dit « Oh, là, tu vas où ?» et d'autres moments où... Ouais. On a envie de se fermer. Et ça, par exemple, qu'une productrice, je sais pas, comme Julie Roy, ou que se sache et se dise, oh là, faut pas que j'y aille maintenant, je vais y aller dans 2 heures, ou je vais y aller, ça c'est important. Ouais. Oui, c'est extrêmement important. Cette relation-là, elle est primordiale. Avoir une bonne relation avec son producteur et vice-versa, c'est une des clés pour qu'un film aboutisse et aboutisse bien. Alors je pense que c'est ouais, voilà, je dirais que c'est une des clés pour... Tu l'as dit, être à l'ONF, c'est plutôt bien, mais il faut se battre pour rentrer à l'ONF, c'est pas facile. Les places oui. sont chères. Est-ce que tu te rappelles les difficultés que tu as eues au début? Est-ce que pour rentrer ici, même juste pour dire, allez, je vais faire de l'animation, et même pour se dire, à un moment donné, ce mot qui est un peu énorme, je suis un artiste, en tout cas, voilà, je mérite ouais. d'être à cette place-là. Ouais. Ma façon que je suis entré à l'ONF, c'est un peu atypique peut-être par rapport au cheminement normal qu'on devrait prendre là, parce que moi j'ai commencé dans une autre boîte de production qui était au Saguenay, donc une région là, à 500 km de Montréal au nord, hein, alors c'est pas à côté. Dans cette région-là, moi, j'ai fait mes études, j'ai fait un premier film d'animation qui est très bancal, là, qui est très... Peu importe, mais j'avais aucune connaissance, moi, en animation. J'ai fait un film comme ça pour vraiment le propre plaisir. Mais j'avais quand même cet intérêt-là, évidemment. C'était mon projet de fin d'études, de fin de bac. C'est un producteur qui m'a remarqué avec ce projet-là et qui a approché l'ONF. Donc, j'ai été pris en charge assez tôt, je dirais, ce qui est bien. C'est une chance. C'est une question de timing. Hein? Parfois, le timing est bon dans une vie. Ici, ça a été bon pour moi à cette époque-là. Donc, j'ai pu faire mon premier film, Les Ramoneurs, qui a été entièrement tourné en région, au Saguenay. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Avec toutes sortes d'histoires, on a même passé au feu. Alors, on a eu là, toutes les histoires pas possibles pour nous mettre des bâtons dans les roues. Puis on est arrivé finalement au point où on avait quand même un film relativement bien, relativement correct, quand même professionnel aussi là, au niveau de la forme et tout ça. Puis c'est un film qui a vraiment, vraiment bien fonctionné. Il a fait, je crois, tout près de 60 festivals. Alors ça a été ma porte ouverte pour l'OM. C'est important ou c'est aussi un peu angoissant? On parle souvent des jeunes réalisateurs ou bon, ici dans la maison, Lipset, Ryan Larkin, des gens qui marchent bien quand ils sont jeunes. Est-ce que c'est angoissant quand même de se dire, oh là, mon film là, il est projeté dans 60, qu'est-ce que je vais faire après? Oh oui. Oui. Oui. ça fait partie, même en production, ça fait partie de l'angoisse, l'après. C'est sûr que l'après, il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent mieux que moi. Après 6 films, peut-être 6 productions, 6 ou 7 films, peut-être que on devrait apprendre à faire confiance à la vie un peu plus. Mais c'est vrai que ce vide-là à laquelle on a à faire face suite à une production, ça fait partie d'une angoisse de vie qui est extrêmement difficile à gérer. Parce que comme tout le monde, on a besoin de fric pour faire notre vie. C'est plate de parler de ça, mais c'est ça la réalité. L'animation, ben le processus de pré-production et tout ça fait en sorte que c'est difficile de recommencer un film tout de suite après une production, de recommencer immédiatement. Il y a toujours tout le processus là, d'acceptation et tout ça de la part des producteurs, ce qui est entièrement normal, mais qui peut être parfois très long. Alors oui, ce vide-là doit être comblé par toutes sortes de choses autres. Moi, je fais beaucoup de musique, je fais d'autres choses quand même à l'extérieur de l'animation, ce qui m'aide à survivre entre les films. Mais ça revient toujours. Après 2 ans, après 3 ans que j'ai pas tourné, ça revient toujours. J'ai envie de faire un film, toujours. Envie de faire un film, c'est une chose. Après, de voir le... entre guillemets, vendre, en tout cas faire des interviews, comme là aujourd'hui, aller en festival, faire des masterclass, c'est quelque chose qui plaît quand même ou quelque chose qui est des fois un petit peu lourd à porter? C'est pas naturel chez moi, comme ça, d'exprimer ce que j'ai... je l'ai appris avec le temps, je le fais pas parfaitement bien. Là. Je suis pas quelqu'un qui est très bon au niveau communication, je le sais. C'est pas mon travail non plus, mais ça devient à un moment donné, finalement, faut promouvoir nos films. Mais c'est vrai que j'ai... Ben moi, je crois que je suis meilleur qu'avant. Je crois que je le fais mieux. C'est pas parfait, mais bon, c'est comme ça que je m'exprime. Je peux pas aller au-delà de ce qu'on n'est pas. On peut pas aller. Mais de faire comme ça des masterclass, c'est vrai qu'après, je me rends compte que en fouillant dans mes archives et en montant mon dossier là, pour pouvoir faire cette classe-là, je me rends compte que ben, j'ai beaucoup de bagages, mine de rien. J'ai quand même une quinzaine d'années de bagages, de toutes sortes d'anecdotes, de photos, beaucoup, beaucoup de photos, toutes sortes d'histoires. Alors, c'est ce que je vais mettre d'avant. Tu te retrouves devant ton producteur et tu as réfléchi très longtemps avant, ou au contraire, tu as un côté très énergique de dire, allez, j'ai une idée, vite, je la présente. Habituellement, je pense que c'est plus vendeur de parler, comme on va dire, avec ses tripes. Moi, je suis pas quelqu'un qui est extrêmement. Disons, je suis pas le plus intellectuel de la boîte. Hein. Il y en a qui sont très, très cérébrales. Moi, j'aime beaucoup exprimer, un peu comme dans mes films probablement, exprimer avec mes mains, avec mon senti, mon feeling. Tu sais. Je suis plutôt ce type-là. Donc, si j'ai à vendre un film ou si j'ai à parler devant les gens, je pense que c'est comme ça que je dois m'exprimer. C'est comme ça que c'est le plus, habituellement le plus. C'est pas, je le fais pas dans l'optique d'être vendeur, mais c'est comme ça que mon idée se communique plus. C'est plus vrai. Tu fais un cinéma extrêmement organique. Oui. Je trouve non seulement, alors c'est une évidence dans la technique, mais aussi dans les sujets. Il y a quelque chose. Et donc, est-ce que c'était une évidence aujourd'hui de rentrer finalement dans un être humain pour que le sujet organique finalement l'être humain nous raconte quelque chose? Oui, donc l'animation, oui, pour moi au départ, il faut comprendre que je trouve que le geste d'animer, c'est un geste d'abord qui est intime. C'est un geste qui est très humain, surtout quand c'est fait à la main. Quand c'est fait par ordinateur, c'est peut-être une autre histoire. Mais lorsque c'est fait à la main, il y a toujours ce côté qui est très, très imparfait. Et j'aime ça voir, moi, les traces, la trace des doigts, l'intervention de l'animateur sur la matière. Donc, pour moi, c'est ça. Il y a un rapport très près avec le geste, l'humain, la matière, qui justement, quand on parle de quelque chose qui est organique, c'est intéressant pour moi de le sentir, ça, de sentir cette matière-là qui s'anime sous les mains de l'animateur et que ça puisse transpirer à travers l'écran. Donc, c'était pour moi, oui, une évidence de me rendre là à travailler sur un corps, un corps humain, un faux corps, mais bon. Est-ce qu'on va ressentir tes décors sont. Alors, c'est très étonnant parce que quand on regarde tes films, il y a des décors très détaillés au début, puis plus on avance, et plus le décor, on va dire, devient peut-être de plus en plus gigantesque, mais presque de plus en plus vide, plus on avance. Est-ce que là, comment ça va se passer, puisque le corps humain est plein de choses, il y a plein, on va revenir à un côté très détaillé comme avant, ou. Enfin, c'est le mystère. C'est le mystère de ce projet-là. Parce que ce projet est basé sur une démarche, un processus qui. Donc, c'est un film qui est sans scénario. C'est un film auquel il faut s'attendre à ce que ça puisse ressembler à un free jazz. Ça va probablement aller un peu dans tous les sens. Parce que les balises, c'est ça le grand défi. Je dois mettre. C'est moi qui dois mettre les balises, qui dois savoir où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, qu'est-ce que je veux montrer, quels sont les thèmes que je veux exploiter. Et le matin où je me lève et que je voudrais ouvrir le corps avec mes mains, qu'on voit l'animateur déchirer la peau, c'est parce que ça sera là où je suis rendu à ce moment-là dans ma réflexion, mais aussi dans mon sentiment. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne sais pas te faire à croire aux gens dans ce film-là que c'est un vrai corps. C'est assumer à l'intérieur de l'univers du film que c'est un corps moulé, c'est un moulage, c'est un animateur, c'est pas de la magie, on sait que c'est un animateur qui intervient sur un corps. Maintenant, qui est ce corps-là? Eh bien, il s'avère que c'est le mien. Donc, c'est moi l'animateur. En l'occurrence, je vais ouvrir mon corps, je vais m'autopsier moi-même. Et cette autopsie-là, ben, elle n'est pas médicale, évidemment. C'est une autopsie, je ne suis pas médecin, je suis animateur. Donc, c'est l'autopsie d'un corps, l'ouverture d'un corps, une introspection de l'animateur, vu par l'animateur, faite par l'animateur. Donc, c'est ce rapport-là aussi, ce rapport-là qui est intéressant. Donc, c'est d'autant plus, je trouve, significatif que ce soit l'inconscient qui travaille un peu à ma place, qui, finalement, qui écrive le scénario au fur et à mesure. C'est un travail d'improvisation basé sur des thèmes qui vont avec, je dirais, avec le fil de la vie, le fil d'actualité, le fil... Donc voilà, le film n'existe pas, évidemment, mais il va exister et il va ressembler à ce que je vais être ou ressentir à ce moment-là. C'est vertigineux quand on commence quelque chose comme ça, hein? Complètement. complètement vertigineux. Mais j'ai jamais fait un projet aussi vertigineux, c'est exactement le bon terme, je pense. Parce qu'il y a vraiment, quand on regarde, moi en tout cas, quand je regarde, avant de faire cette interview, j'ai regardé tous les films, mais plus j'avançais, plus j'avais l'impression que justement il y avait l'abandon de l'histoire. C'est-à-dire que les Ramoneurs cérébraux, il y a vraiment quelque chose, on nous raconte, et petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait, souvent tu n'écrivais pas ton scénario, tu co-scénarisais ça. Et là, c'est la première fois où finalement il y a plus ce filet, même presque de ouais. L'histoire, quoi. Ben, c'est que je suis probablement plus un montreur qu'un raconteur. Et pour moi, parce que si on regarde par exemple ma production précédente, Bidlot, ça ne tient qu'à une phrase, ce film-là. Ça ne tient qu'à une phrase. Donc, ce n'est vraiment que montrer... J'ai simplement montré l'émergence d'un bœuf qui se fait dévorer, finalement, par... c'est un système d'exploitation. Mais ça ne tient qu'à une phrase. Et effectivement, c'est vrai de dire que je me détache de plus en plus de l'histoire. Ça se fait naturellement, ça, ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui est un grand raconteur. Même dans la vie, je ne suis pas un grand raconteur. J'aime créer des univers et montrer des objets, montrer des choses ou faire bouger de la matière. Je trouve que ça raconte. Montrer un vieil objet qui a plus de 100 ans d'histoire et qui a les traces de cette histoire, pour moi, ça raconte déjà quelque chose. Je suis très sensible, en fait, à ça, et je pense que c'est probablement ça qui fait que je me détache un peu du côté très scénarisé. J'ai le goût de montrer. J'ai le goût de laisser l'image raconter ce qu'elle a à raconter. Alors, c'est une forme de poésie, en quelque sorte. Jean Meyer disait qu'il utilisait, il prenait des objets, mais l'important, c'était de savoir ce que l'objet avait à raconter, en fait. Qu'il essayait de comprendre ça, Eh bien, je comprends très bien ça. C'est tout à fait dans ma sensibilité, si j'ose dire. L'objet, j'ai vu, il y a une vidéo sur Internet de toi où il y a un vieux phono. Oui. Où tu mets... Ça, c'est vraiment le plaisir. Et ton studio, enfin ici, dès qu'on rentre, il y a plein d'objets partout, il y a plein de choses. C'est absolument fondamental d'être entouré de ces objets-là, en tout cas d'objets. C'est mon lieu d'inspiration. C'est ça qui m'inspire. C'est ce que je trouve beau, c'est ce que j'ai le goût de montrer aussi avec la caméra. Je veux montrer ces choses-là. Je veux les éclairer, je veux leur rendre hommage. Et c'est un peu pour moi un moteur de création d'être entouré de tout ça, de tous ces objets-là. C'est ce qui m'aide en quelque sorte à pouvoir, à un moment donné, dévoiler quelque chose. Il faut être inspiré par l'objet. L'animation, c'est un médium avant tout, en stop motion particulièrement, c'est un médium de matière et d'objet. Alors, il faut aimer ces objets-là. J'ai envie de les montrer, j'ai envie de les éclairer de toutes sortes de manières que ce soit, mais je veux suivre cette atmosphère-là, cette vision-là que j'ai. Oui, je dirais pas que c'est un hommage à l'objet, mais ça devient par la force des choses. Lorsqu'on montre, si je reviens encore à ma production Bidlot, on regardait les vieilles roues de charrette que j'ai ramassées, qui ont beaucoup plus de 100 ans d'histoire, mais ces roues-là, elles ont transporté, c'est quoi, je sais pas c'est quoi leur histoire, mais elles portent une histoire parce qu'elles portent les marques de cette histoire-là. Alors, à la caméra, avec les objectifs et tout ça, quand on choisit la bonne lentille, quand on sait éclairer aussi pour le rendre immense, pour le rendre beau, faire sortir les textures, faire sortir justement, mettre d'avant toutes ces traces-là de l'histoire, de l'objet, pour moi, c'est extrêmement cinématographique. Est-ce que si je te dis, pour moi, je ressens de plus en plus, j'ai l'impression que tu te sens de plus en plus à l'aise avec le côté organique des choses et le plaisir, tu le dis, hein, mais le plaisir de le montrer. J'ai l'impression que plus je regarde les films, plus je sens ce bonheur-là. Oui, c'est oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que c'est ça, c'est l'amour de ces objets-là, j'ai envie de les montrer. Donc pour moi, d'ouvrir un corps, d'aller voir à l'intérieur et d'y trouver finalement, d'y découvrir toutes sortes d'objets comme ça qui vont interagir un envers l'autre. On prend deux objets qu'on aime, mais qui n'ont rien à voir ensemble, on les fait interagir et tout d'un coup, ça crée un sens. Tout crée un sens, c'est facile de créer un sens. Non, c'est pas facile, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses parfois qui sont accidentelles, mais qui vont de soi. Et ça, il faut être à l'écoute de ça. C'est un peu ce qui va se produire lorsque je vais faire émerger tous ces outils-là, des trucs, ça, tu sais, des pinces de forge. On a l'impression qu'on va arracher des dents avec ça. Même si ça ne sert pas à ça du tout. Si on regarde les parties du corps aussi, elles portent un sens fort. Des mains, c'est des outils, mais des mains, c'est des armes aussi. Des mains, c'est chaque partie, la tête, le corps, le cœur, le sexe. Je veux travailler avec chaque partie du corps et les faire interagir justement avec toutes sortes d'objets. Ça se peut qu'on se retrouve aussi dans des univers complètement. Ça se peut que j'extrais des choses du corps, des objets du corps qui sont lourds à porter. Il y a peut-être des objets qu'on trouve lourds à porter en sens. Donc, tu vois, ça va être toute une aventure. Alors, Une aventure sans histoire. plus tu racontes, plus je me dis, quand tu regardes Bidlo, il y avait un storyboard qui était très précis. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des mouvements. Et quand on regarde ton cinéma, il y a des mouvements de caméra très précis. Il y a des angles de vue qui sont très réfléchis. C'est très cinématographique, comme tu disais. On est dans l'animation, mais aussi très cinématographique. Là, il va y avoir quoi? Plein de plans. Ensuite, il va y avoir un travail au montage qui va être énorme. Parce qu'il n'y a pas de plan du tout, là, comme tu disais. Enfin. De storyboard, de rien, de. Évidemment, c'est certain qu'il va y avoir un travail de montage peut-être un peu plus lourd, je dirais, là, que sur les films précédents. Oui, c'est vrai. C'est la démarche qui demande ça. Parce qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec effectivement un paquet de plans qui ne vont pas nécessairement toujours ensemble. Alors, il va falloir que j'y voie clair à un moment donné. C'est tout ça qui est vertigineux aussi. Comme on dit, je veux pas que ça devienne une pizza all dress, tu sais. Je veux que ça reste quand même. Je veux que ça ait quand même, que ça fasse un tout, évidemment. Par contre, si au niveau du montage, j'ai quand même, je dirais, dans ce film-là, j'ai l'intention que ça soit. Je veux aller vers quelque chose d'assez épique. Donc, je veux commencer avec un certain rythme et créer une dramatique pour qu'à un moment donné, ça devienne très fort, un moment fort, un moment musical très fort aussi. Alors, j'ai des petites idées là, par rapport à la musique Déjà, oui, pour le là-dessus. son, Oui, là. par rapport à ça, je ne sais pas si ça va être ce que j'ai en tête, mais pour le moment, j'ai quand même une direction et je sais aussi la fin de mon film. Je connais la fin du film. Donc, je ne connais pas le parcours de tout ce que. Je connais pas le développement du film. Je connais la conclusion. Je sais vers où ça s'en va. Donc, finalement, cet entonnoir-là va. Je devrais finalement arriver à ce que je veux montrer, mon plan final, qui est tout simple. C'est tout simple. Mais. Heureusement que tu as ça dans ta Oui. tête, ouais. Oui. Oui. Tu fais un cinéma très oppressant. Oui. Pas dans le mauvais sens du terme, évidemment, mais pareil, là, ça va être dans ce sens-là. Tu disais, je suis pas politique, en tout cas pas dans le sens du mot qui fait un peu peur, évidemment, toujours quand on dit ça, mais il y a toujours quand même ce combat, encore une fois, de l'individu contre lui-même, et bien sûr contre ce qu'il y a autour. Oui, tout à fait. Faut que c'est normal de je pense que c'est normal de se questionner, se questionner soi-même, de questionner son voisin, de questionner notre nature propre aussi. C'est toujours les mêmes. C'est fou, mais les questions existentielles qu'on commence à se poser à 15 ans, puis ça continue à 25 ans, puis t'es rendu à 40 ans, Puis finalement, on est encore dans ça. C'est court une vie. C'est court une vie pour. C'est même un peu ingrat, un petit peu trop court pour qu'on puisse, à un moment donné, mettre le doigt sur quelque chose puis dire, OK, d'accord, je peux retrouver mon bonheur, je peux trouver. Mais tu vois, pour le moment, moi, je suis dans ma vie, là, j'ai 41 ans et j'ai ma vie, j'ai ma famille, ma maison. Mais tu vois, je me questionne toujours sur la même chose, toujours les mêmes. Par rapport à l'existence, c'est jamais fini ce questionnement-là, on le sait. Ça, c'est peut-être quelque chose finalement que je vais finir par assimiler, que je ne trouverai jamais de réponse. Mais j'aime beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui va lire beaucoup de romans, je lis beaucoup sur plutôt l'astrophysique, sur que ce soit la physique quantique ou peu importe, c'est le genre de choses qui me plaisent. Peut-être que finalement, si j'avais recommencé ma vie, je deviendrais, peut-être que j'irais plus du côté scientifique que du côté artistique. Mais tu vois, mais c'est quand même quelque chose qui, étonnamment, ce sont deux, l'art et la science. C'est deux domaines qui, finalement, sont extrêmement proches l'une de l'autre. Tout comme la religion peut devenir aussi, moi, ça m'interpelle moins. Ça me questionne, par contre. Je me pose 1000 questions sur ça. Mais c'est pas quelque chose sur la foi, par exemple. Je crois pas être quelqu'un qui a la foi. Mais qu'est-ce que c'est avoir la foi? Mais tu vois, ça aussi, ça se questionne. Alors, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, cette introspection du corps à 40 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je laisse mon inconscient parler un peu plus. Je dois me sortir d'un cadre scénaristique qui dit une chose et je dois arriver à exprimer plusieurs choses, plusieurs sentiments à travers quelque chose de peut-être un peu plus abstrait, pourquoi pas. C'est drôle parce que ce matin, j'étais avec Michel Lemieux. Vous n'êtes pas du tout dans le même style. Et pourtant, on avait les mêmes discussions par rapport à la place de l'homme dans l'univers. On parlait d'Hubert Reeves et même de l'inquiétude ou de l'angoisse d'un seul coup de se rendre compte qu'on n'est pas seul, finalement. Enfin, qu'on n'est pas le centre de l'univers. On peut parler de cinéma comme celui de Terrence Malick, je ne sais pas, ou des gens comme ça, où d'un seul coup, il y a cette angoisse aussi. Il y a beaucoup de réflexions comme ça à l'ONF, à l'intérieur de l'ONF. Vous parlez ou pas tellement ensemble? Je dirais pas suffisamment, c'est ce que je dirais. Un peu oui quand même, mais les gens sont quand même pas mal. L'animation de par la nature du médium fait qu'on est souvent un peu cloîtré, puis on sort pas beaucoup de nos bureaux. On discute, oui, mais tu sais, c'est plutôt pour, je pense, quand on a besoin de décompresser et de justement de sortir un peu de du côté très, très mécanique là, de l'animation, tu sais, parce qu'on est enfermé dans un studio, on travaille, à un moment donné, il faut sortir, il faut se libérer. Mais effectivement, ça manque un peu, moi personnellement aussi, ça me manque de pouvoir échanger sur ces questions-là. Par contre, tu vois, Michel Lemieux, c'est une personne avec qui je peux avoir ce genre de discussion-là. C'est déjà arrivé auparavant, puis je sais que ça va arriver encore, parce qu'à ce niveau-là, on connecte les deux. Mais ça, bon, c'est un privilège de pouvoir le faire parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui vont s'intéresser à ce genre de questionnement. Oui, mais c'est intéressant parce que beaucoup de gens, justement, ont l'impression qu'en animation, voilà, on va connecter parce qu'on a le même style graphique ou visuel ou des choses. Et c'est intéressant de se rendre compte, évidemment, que, et heureusement, enfin, ça paraît évident, mais heureusement qu'on va justement plutôt aller vers des gens qui ont les mêmes questionnements, les mêmes angoisses, les mêmes problématiques, finalement, que vous, Ben le oui, soir. puis parce que je pense qu'on peut faire l'animation pour divertir, mais on peut faire l'animation aussi parce que c'est passer 3 ans, par exemple, sur un projet, il faut être capable de supporter, je veux dire, mentalement et tout ça, il faut être capable de supporter ce projet-là. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que quand on est 3 ans sur un projet, je pense que il y a un don aussi. Je dirais pas que c'est un don soi, là, mais il faut. C'est un investissement. On investit une partie de notre vie à travailler image par image. Et ça devient un travail, peu importe la façon qu'on le fait, ça devient un travail introspectif par la force des choses. De travailler comme ça, image par image, de jouer aussi, parce que c'est un travail aussi sur le temps. Le temps devient tellement important. Donc, ce rapport-là entre mouvement, temps, espace, Et fondamentalement, ce qui fait que l'animation est ce qu'il est, c'est ce qui le diffère justement de la prise de vue réelle où on va faire 8 fois la même shot, on va faire du 10 pour 1 ou du 20 pour 1 et ça va prendre 20 minutes. En animation, on fait du 1 pour 1 et ça va prendre des fois de 1 mois ou 2 mois pour sortir un plan, 2 plans, 3 plans. Alors, il y a un travail de réflexion, mais il y a quelque chose aussi au niveau du temps qui. On fait tout vite, hein. Aujourd'hui, tout se fait rapidement. Puis de pouvoir le faire, de pouvoir prendre le temps de le faire, parce que ça, c'est une chose que j'ai apprise avec le temps. L'animation, il faut prendre le temps que ça prend. On ne peut pas aller plus vite que ce que ça. Se dépêcher en animation, c'est la pire chose. C'est la pire chose. C'est drôle, c'est l'une des questions. Du coup, pardon, mais c'est drôle, c'est l'une des questions que je voulais te poser. C'est pareil, j'ai l'impression que tu prends plus de. Mais tu viens d'y répondre presque, mais tu prends de plus en plus de temps dans ton film. Peut-être pas forcément pour dire plus de choses, mais pour justement questionner ce temps en fait, la temporalité, qu'elle soit notre temporalité à nous, la temporalité du tournage, de l'animation. Oui. Et j'aime que mes personnages bougent lentement. J'aime sentir aussi. Il y a toute la question de l'espace aussi. J'aime beaucoup sentir que ce soit un objet ou un personnage qui va bouger, ou peu importe, qu'on sente. Qui est incarné à l'intérieur d'un espace, qui existe dans cet espace-là, et qui est attiré par la gravité, qui, je veux sentir qu'il est là réellement. J'aime pas quand, mais ça c'est personnel, mais quand un personnage est plutôt flottant, qu'on a l'impression finalement, on voit qu'il est animé, c'est bien de sentir que c'est animé, mais c'est encore mieux de sentir qu'il existe dans un espace, qui est finalement, qui, à travers l'animation, qui est intégré dans cet espace-là. Qui subit les lois de la gravité et qui est peut-être même plus lourd que nature. Mais ça, c'est ma façon. Donc, mais ça, il faut prendre le temps, il faut le voir, il faut le visualiser. Donc, et puis ça, bien évidemment, pour que ça soit plus lourd dans l'espace, pour que ce soit aussi incarné à travers l'espace, là, c'est le temps qui rentre en ligne de compte. Il faut prendre le temps de. Tu sais, moi, quand je commence à animer un truc qui va bouger lentement, qui va se déplacer, les premières images, je touche à peine avec. Même si ça paraît pas à l'image, je sais que finalement, c'est ce qui va contribuer au fait que lorsque l'objet va commencer à bouger, il ne commencera pas à bouger. Hop! Tout d'un coup, c'est animé. Ah oh, non, non, tout d'un coup, ça va commencer à déplacer l'espace lentement, lentement. Donc. C'est un peu difficile peut-être à exprimer là, comme ça, mais en fait, c'est simplement de prendre le temps de prendre conscience de cet espace-là et de l'objet dans l'espace. Puis, tu parles beaucoup de lourdeur depuis le début, oui. Un objet lourd, etc. Ça, c'est vraiment important aussi dans ton cinéma. Et dans Bigelow, c'est une évidence totale, là, vraiment. Oui. La lourdeur, la puissance des objets, ça me parle, j'aime ça quand les trucs finissent par être un peu épiques, justement, comme dans Bidlot. J'aime ça quand le bœuf émerge de terre. Évidemment, c'est ma partie préférée. Le bœuf qui sort de terre, je trouve ça savoureux, même si c'est moi qui l'ai fait. J'aime ça le voir, j'aime ça la terre, la boue qui coule sur son museau, la chaîne qui s'arrache de terre. Tout ça, on a l'impression que ça fait des années que c'est sous terre, puis que ça a envie de sortir et ça a besoin d'émerger de la terre. Et ça, c'est à travers, c'est justement, ça revient à mon propos tout à l'heure, c'est de prendre le temps d'animer pour arriver à incarner dans l'espace l'objet. Je reviens sur quelqu'un qui est ici aussi, qui est Théodore Huchef. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de mettre votre cinéma. Vous avez fait un cinéma pareil, complètement différent, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie. Alors que sauf que lui, il fait des films en 2 mois, enfin voilà, et rapide, alors que toi tu prends ce temps-là, mais j'ai l'impression qu'il y a cette énergie du combat, quelque part, enfin de l'art, aussi comme un combat. Alors peut-être lui de manière évidente, il le dit, peut-être toi comme tu dis de manière. Tu veux pas trop non plus le mettre en place, mais est-ce que c'est une relation qui te paraît judicieuse ou pas trop? Ben, en fait, ben, je sais pas, je trouve ça flatteur d'une part, mais je ne sais pas si la relation, en tout cas, en son travail et mon travail, l'idée du combat, oui, je pense que, pour ma part, je me bats avec la matière, toujours, toujours, toujours, toujours. C'est comme un combat. Évidemment, un combat, c'est de bonne guerre. C'est pas. Mais oui, c'est un combat perpétuel. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai choisi ce combat-là, mais je l'ai choisi pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Puis, est-ce que c'est une question d'avoir envie de contrôler? Pourtant, je suis pas quelqu'un qui veut tout contrôler dans la vie, mais d'avoir cette possibilité-là de pouvoir contrôler la matière, de me battre avec, mais de gagner. Des fois, on gagne pas, mais des fois, il faut l'écouter aussi, la matière. Il faut écouter vers où elle nous dirige. Parce que des fois, c'est elle qui décide. Si je fais, par exemple, je vais animer un personnage, et le personnage, tout d'un coup, décide, je sais pas, c'est pas lui qui décide, mais disons que c'est la force de la gravité qui fait que il s'en va vers. Il se dirige vers il prend une tangente, par exemple, plus vers la gauche, vers la droite, ou peu importe. Quelquefois, ensuite, je regarde comme ça mes images, je me dis, ben oui, tu sais. C'est par là qu'il faut qu'il aille. Il ne faut pas que je me batte à le faire aller dans l'autre sens. Alors, je l'écoute. Puis, donc, c'est un travail mutuel. Un travail mutuel entre la matière et l'animateur. Il y a des fois où tu te rappelles, et des moments donnés où tu voulais aller en effet, tu voulais que l'action aille vers là ou quelque chose, et d'un seul coup, tu as eu l'impression que cette matière te disait, mais physiquement, non, non, là, je peux pas aller vers là. Ben là, c'est là que le combat commence. Puis parfois, on perd, parfois on gagne, mais souvent, ça paraît. C'est ça qui va paraître à l'écran. Il va y avoir un petit quelque chose dans l'animation qui est moins naturel, ce qui est parfois, qui est pas nécessairement désagréable à regarder, mais parfois, c'est ça. C'est quand c'est pas tout à fait naturel, c'est pas tout à fait comme dans la vision là, première. Mais oui, c'est certain que s'il faut que le personnage aille absolument à gauche, puis il décide d'aller à droite, ben je vais me battre avec pour qu'il aille à gauche. Ça, c'est sûr que. Mais ça fait partie, là, c'est ça fait partie du plaisir de la stop motion. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être de plus en plus, pardon, pas d'espoir, je sais pas, mais dans tes films, plus de. Enfin voilà, depuis les Ramoneurs cérébraux jusqu'à aujourd'hui, même si on a cette atmosphère des fois un peu angoissante ou oppressante, j'ai l'impression qu'il y a plus de souffle. Ben c'est bon, Optimiste. j'aime cette question-là parce que l'espoir a toujours été étrangement en moi quand même. Je suis pas une personne si noire. Comme tout le monde, j'ai un côté plus sombre, mais oui, l'espoir, je trouve que c'est. Mais je la trouve difficile à exprimer. Je la trouve difficile à exprimer. Pourtant, j'aime regarder des films avec de l'espoir. J'aime regarder un film qui va finir puis qui va me laisser sur une note d'espoir. Je trouve ça important de garder cet espoir-là dans la vie. Ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est ça. J'ai pas encore réussi à exprimer ça comme je le voudrais. Et pourquoi pas dans le prochain film? Pourquoi il n'y aurait pas une note d'espoir? Peut-être. Et est-ce que ça passe pas par l'utilisation de la musique de plus en plus chez toi et même, comme tu disais, et tu veux le refaire dans ce film-là, d'un lyrisme de la caméra et finalement de l'animation? Possiblement. Possiblement. Je sais pas. Je sais pas, mais je sais pas, mais il faut que. Ça fait peut-être partie d'une sorte de guérison. C'est. Une sorte de guérison de l'être. Peut-être qu'en vieillissant, à un moment donné, on en veut plus de cet espoir-là. On veut y croire, on veut qu'elle existe. Je veux dire que j'ai passé moins de vingtaine, la vingtaine dans ma vie, là, où j'étais plutôt dans. J'étais pas dans l'espoir du tout. Hein. Pas du tout. Au contraire, là, j'étais. Mais je veux y croire à cet espoir-là. Je veux y croire pour moi, mais je veux y croire pour mes enfants. Puis je veux y croire. Je veux qu'elle soit là. Donc oui, je pense que ça fait peut-être partie de ce processus-là dont je parlais tout à l'heure, de laisser aussi ces choses-là, les choses qui sont belles, qui peuvent être belles aussi, peut-être les laisser s'exprimer, même si je trouve ça difficile. Tu parles de lumière, est-ce que la lumière aussi peut jouer ce rôle d'espoir? Absolument, absolument. Tu vois, dans Bidlo, à un moment donné, la lumière émerge, le soleil se lève. Oui, ça amène la sécheresse, c'est vrai. Mais qu'on retrouve à la fin deux personnages qui, après cette cohorte là, de personnages qui s'entre-déchirent, de voir à la fin, même si c'est la sécheresse, de voir deux personnages qui s'enfoncent dans la terre, chacun dans les bras de l'autre, étonnamment, pour moi, je voyais ça comme un signe d'espoir, que finalement, on n'est pas seulement des êtres noirs qui... Tu sais, il y a quand même un côté de l'humain qui est très beau, qui... Ça, j'en conviens, là. Moi-même, j'ai un côté qui est très beau. Mais... Complètement, complètement. Mais c'est vrai que c'est plus difficile de l'exprimer. Il y en a qui le font naturellement, il y en a qui c'est l'inverse, hein. Ils ont de la difficulté à exprimer le côté noir, le côté... Et c'est très bien comme ça prend tout pour faire un monde, mais pour ma part, je dois apprendre à le faire, je dois apprendre à... parce que je suis beaucoup dans le noir, la noirceur, je travaille beaucoup plus avec les noirs qu'avec les blancs. Je fais vivre justement mes objets, je travaille beaucoup avec les ombres et tout ça, et puis ça contribue un peu à donner cette atmosphère-là aussi. C'est important aussi de pas, j'ai l'impression de moins travailler le post-production possible pour toi. Ce petit côté puriste là peut-être, mais j'aime que ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait sur le plateau, le plus possible. Évidemment, il y en a toujours un petit peu. Il y a des corrections de couleurs, c'est des choses-là. C'est normal. Là. On est quand même dans les années, quand même à l'ère du numérique. Là, c'est quand même relativement simple tout ça. Mais je veux que l'animation que l'on voit soit le produit d'un travail à la main. Je veux que ce soit l'évocation du geste. Donc, c'est important de le garder. Oui, pour moi, c'est important de le garder, oui. Pareil, quand je revoyais tous les films, je me disais à quel point tu as abandonné, je reviens là-dessus, peut-être on va pas tarder à finir, à quel point tu as abandonné les images peut-être lourdes de sens à la première vision, et que plus on avance, plus, par exemple, Bidlo, je pense à un film qu'il est important de voir, mais de revoir, et qu'on apprécie peut-être plus encore. Les Ramoneurs, ça reprend encore une fois, et je parle de celui-là, mes mêmes références, on peut les comprendre, on va dire, assez rapidement, première vision, alors que Bidlo, il y a aussi le plaisir d'un seul coup de se dire, oh, je vais le revoir, puis d'un seul coup, tiens, ce passage-là et ce passage-là, et qu'il y a une, je ne sais pas comment l'exprimer, mais à la fois plus une grande simplicité et à la fois une plus grande force, peut-être, dans le message qui est transmis. Ça revient peut-être avec cette histoire-là de le côté d'avoir, tu sais, de travailler sans scénario, j'ai l'impression que ça va faire émerger ce genre de réflexe-là chez le spectateur, j'ai l'impression. D'avoir envie peut-être de le revoir pour mieux comprendre ce qu'ils viennent de voir. Parce que ça sera possiblement, ce sera pas si évident à prime abord. Je pense que c'est la nature même du projet qui est comme ça, mais c'est la nature du projet, mais la nature du projet vient d'une démarche, d'un processus. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux aussi me donner la liberté de faire, de laisser parler les choses comme elles viennent, simplement. J'ai envie de montrer, un matin, j'ai envie de montrer un enclume à l'intérieur du corps et j'ai envie de l'extraire, cet enclume-là. Ben, je vais le faire. Même si j'ai pas envie d'écrire là, comment je dirais, un texte là, à n'en plus finir pour exprimer, pour expliquer là, mais je veux que les choses viennent comme elles viennent. J'ai pas envie de tout expliquer sur ce film-là. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire. C'est un film libre. Et je veux que cette liberté-là, elle soit, je veux l'exploiter au maximum, que je vais pouvoir le faire. Tu vois, c'est intéressant aussi de la questionner, cette liberté-là. J'ai la chance ici, là. J'ai la chance à l'ONF de travailler un film comme ça de façon libre. Bon, c'est quoi la liberté? Évidemment, si on se met des cadres, si on n'a pas de cadre, on n'a pas de liberté. Il faut qu'on puisse mettre les mains sur quelque chose de chaque côté, puis dire, je dépasserai pas cette limite-là, pour dire, ma liberté, elle est à l'intérieur de ça. Sinon, c'est 1 milliard de choses qui est possible. Et là, on a passé d'une vie, là. Donc, voilà, faut que... On finit sur cette liberté, sur cette liberté compliquée, Oui. mais importante à voir. Merci beaucoup. Radio Libertaire, Bulle de Rêve, l'émission 100% cinéma d'animation. Vous venez d'entendre Patrick Bouchard qui nous parlait de son travail lors d'une interview enregistrée en novembre dernier pendant les sommets de l'animation à Montréal. C'est ainsi que se termine cette émission donc quasiment tout enregistré justement au Canada, cette émission spéciale Office national du film du Canada. Il y avait encore plein d'interviews que j'aurais pu vous passer. On a 2 heures, hein, c'est déjà beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de vous passer tout. J'aurais pu vous passer Jalice Nadeau, Jean-François Lévesque, Marie-Josée Saint-Pierre, Toril Coveux, tous m'ont donné des interviews, je les en remercie. Des nouveaux venus aussi, et notamment dans le cadre Hot House de l'Office national du film. Tout ça, je les mettrai évidemment sur The Web Anime. Pour les plus curieux d'entre vous, n'hésitez pas aussi, il y a déjà l'interview de Michèle Lemieux, grande réalisatrice, et notamment sur l'écran d'épingle, qui est sur The Web Anime. Voilà, donc c'était pour l'ONF. Encore un grand merci de m'avoir reçu dans ce lieu, et un grand merci, bien sûr, à Nadine Vieux, encore une fois, qui m'a si bien entouré, si bien permis, qui m'a permis de faire toutes ces interviews-là. Beaucoup de remerciements, mais qui sont évidemment importants pour le partage de cette passion qu'est le cinéma d'animation. Voilà, merci évidemment, un dernier merci mais important à Nicolas qui m'a permis de passer cette émission alors que je n'étais pas moi-même en studio. On se retrouve la semaine prochaine, le 28, une émission qui là sera en direct et qui sera une émission avec Autour de minuit, Nicolas Schmerkin et les Ateliers de Sèvres pour leur nouvelle école qu'ils créent là, et on va leur demandera un petit peu pourquoi. Voilà, à bientôt, et puis donc en direct de Train-Train, à la semaine prochaine et à bientôt. À bientôt, à la semaine prochaine. C'était Bulle de rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire.